Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Power Cats, motherfucker. Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Power Bunker Cast, le numéro 3 déjà. Putain, ça fait un moment qu'on est confiné du coup, puisqu'on a eu le temps de faire 3 épisodes avec Jules. Salut Jules, comment ça va ? Salut Clément, bah écoute ça va, alors toujours confiné Bah bientôt plus hein, d'ailleurs, c'est le dernier week-end normalement pour cette première vague de confinement on va dire. Oui. J'espère que t'as mis ton masque. Écoute, bah là je le porte actuellement, et vous m'entendez bien donc tout va bien. Bah tout super, ça fait anti-pop. Bah les gestes barrières. Ce soir mesdames et mesdames, nous sommes en compagnie de Benjamin Hardaillier, aussi connu sous le nom de High Back Beer par plus de 16 personnes sur la toile. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Benjamin. Salut les poufs souffles, comment ils vont? Tu l'avais préparé cette intro ou tu l'as improvisé? Oh, c'est un petit coup de génie que j'ai eu. Ouais, c'est vrai. On pourrait faire le test un jour. Le test des. Enfin, des pour ceux qui l'ont pas fait. Hein. Ouais. Tu l'as déjà fait toi Clément? Je suis pouf souffle. Ouais, moi je suis pouf souffle. Allez, bah voilà, parfait. Je t'ai stalké pour savoir ce que t'étais avant de. Enfin, c'était pour me toucher en plein cœur. Voilà, c'est ça. T'es quoi Benjamin toi? Bah, pouf souffle. Putain, mais moi aussi je suis pouf souffle, c'est fou ça. C'est normal, t'es mon meilleur ami. Oh, on en parle tout à l'heure. Ouais, s'il vous plaît, un petit peu de calme. En tout cas, on est entre pouf souffle et ça, ça fait plaisir. C'est toujours une soirée agréable. Alors, Benjamin, qui es-tu? Benjamin, tu es usineur, tu es longboarder et tu es bientôt podcaster à Skip. C'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes à mon arc. Et pas du tout l'expression, mais ouais. Ouais. Ouais, non, bah alors, du coup, ouais, c'est ça. Je suis dans l'usinage, donc je travaille à plein temps, je fais des pièces et puis je fais du longboard, donc à fond, les ballons. Et je fais aussi partie d'une association de longboard, donc qui est sur la Rhône-Alpes. Et là, s'appelle c'est la DRA. DRA. Downhill Rhône-Alpes. D'accord, voilà. Downhill Rhône-Alpes. Très bien. Ah, voilà, okay. Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est vrai que je vais commencer mon podcast qui sur le longboard justement, qui s'appelle L'Après-Session. Voilà, j'ai mis à l'écran le logo officiel. C'est magnifique. Passionné de planche à roulettes. Oh là là, c'est dans ta bio Instagram, je crois. Tout simple. C'est longboard N4L, ma bio Instagram. S'il te plaît. C'est vrai. Un peu plus de recherche sur tes invités. Alors, en parlant de recherche, on a fait quelques recherches dans tes mentions j'aime Benjamin pour te connaître encore mieux que ce que tu peux le penser. Et on a découvert en fait que tu aimais la page En devenant fan, vous devriez ressentir une petite douleur dans l'épaule. Alors, est-ce que tu te souviens au moment où tu es devenu fan de cette page si tu avais ressenti une douleur? Oui, j'ai reçu une douleur, mais c'était pas dans l'épaule. Ah, c'était plutôt au cœur parce que tu disais j'ai vraiment que ça à foutre de ma vie de liker des pages comme ça. C'était au cœur, j'ai eu beaucoup, une décharge au cœur. Et, et t'as fait, plein d'émotions. Fait un infarctus. Ah, c'est donc ça. Tu aimes aussi la page, toi aussi, quand t'avais 9 ans, t'étais trop un ouf, tu matais les films moins de 10. Tu faisais ça. Un peu un thug, le mec. Ouais, J'ai fait ça. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est un peu la vie d'un délinquant qui commence. J'appelle les forces de l'ordre. Bah, en vrai, cette rubrique, elle permet aux gens de déliker les pages après, tu vois, d'aller vérifier. Ouais, c'est ça. Bon, vraiment, j'ai liké ça à un moment. Non, moi, je les suis toujours, mes pages, hein, y a pas de soucis. Ah, t'as suivi. Je suis modérateur d'ailleurs. Ah, c'est les tiennes. Ah. Tu aimes aussi si tu es mort des milliers de fois pour ne pas avoir renvoyé des chaînes. Et bah putain. Bah en vrai ça, je suis toujours d'accord. Parce que de toute façon là il y a des chaînes qui sont en train de se propager dans les WhatsApp des familles là. Attends, ça revient. Maintenant c'est les anciens qui se font avoir. Quoi. Ça revient en force. Ouais, moi aussi j'en ai vu une en parlant de chaînes. J'en ai revu une aujourd'hui sur Facebook en plus bizarrement. Ça revient un petit peu. Ouais. Bah Facebook. On parle pas des chaînes du confinement qui nous retiennent chez nous quoi. C'est beau. Merci. C'est tous les 10 ans, c'est comme une moisson. Ouais, ça revient comme ça. Sinon, tu aimes aussi un bon moustique est un moustique mort. Voilà. Avec 3 points d'exclamation, c'est pour ça que j'ai mis le ton, tu vois. Ok. Suprémaciste anti-moustique. Là, je sais pas trop quoi dire, mais ouais. On peut être tous d'accord avec ça, en vrai. Bah oui. En fait, j'ai même changé d'avis parce que le moustique est très important pour la biodiversité. Hein. Peu, je crois. Je le déglingue. J'en ai rien à foutre. Et enfin, tu as liké la page officielle, hein, qui est précisée officielle dans le titre. Écrire son statut en couleur. Et alors, je suis allé voir cette page parce que ça m'a intrigué. Et j'ai découvert que j'avais aussi liké cette page. Donc, je me suis dit, merde, j'ai beaucoup d'amis aussi qui l'avaient liké. Et en fait, c'est une grosse arnaque puisque dessus, tu peux voir des comptes pour. Enfin, des posts, pardon, où tu peux gagner de l'argent en renvoyant des trucs, machin, en appelant tel numéro et tout. Grosse arnaque, du coup, et je sais pas pourquoi j'avais liké ça aussi. Je me demande comment ils avaient autant de gens qui l'avaient liké. Voilà. Et ben, putain, ouais, mais j'avais oublié que c'est vrai que. À l'époque, ouais, t'avais des. On te disait qu'il fallait que tu tapes certains caractères, un peu comme dans les Skyblogs, et que tu pouvais écrire en rouge sur Facebook ou en. Et je crois que ça n'a jamais marché, on est d'accord. Je ne sais pas. Ou alors, non, mais il n'y avait pas des gens qui avaient Facebook Plus à un moment, un truc comme ça. Ouais, franchement, ça me dit quelque chose des gens qui avaient un. Il y avait une histoire comme ça, un peu comme MSN Plus. Alors, j'ai pas viré mon vibreur, je vais le faire tout de suite. Oula, oui. Sinon, je vais te taper sur les doigts à distance. Aïe, aïe, aïe. J'espère que t'as pris ton attestation. Mais ça fait beaucoup de. De choses en commun, Clément, hein, qu'on a. Bah, c'est vrai, on commence petit à petit à se découvrir des passions communes. Donc, en fait, le jeu du meilleur ami, ça va être entre vous deux, en fait. Ah, attention, on spoil pas. On en reparlera après. Ah là là là là là là. Bruce Willis est mort à la fin du 6. Alors, je profite, je vois dans le chat qu'on me demande 5 secondes d'une célèbre catchphrase de Gaël McTougue, donc je vais la faire tout de suite. Ah, bah, je sais lequel. C'est pas vrai! Voilà. Et donc c'est pour parler des fameuses interruptions imitations. C'est bien, ils y pensent dans le chat sans que nous on y pense. Donc, parfait. C'est que le train se met en marche. Hein. Bah oui, tout petit à petit. Jules, je te laisse expliquer comme d'habitude qu'est-ce que c'est que les interruptions imitations. Oui, oh, c'est pas la peine d'en faire tout un fromage, Clément. Bien sûr. Les interruptions imitations, c'est simplement que n'hésitez pas. En fait, c'est une initiative. N'hésitez pas dans le chat à nous proposer un défi de type imitant. Bah, là par exemple on a un autre exemple, c'est Fabien 3D qui nous demande 5 secondes de vibreur. Donc bah vas-y Benjamin, fais nous 5 secondes de vibreur s'il te plaît. Ça fait pas 5 secondes. C'est pas mal, 5 secondes. Je peux en faire un autre? Ouais, bien sûr. Ouais. Je fais là vous allez devoir deviner qui c'est, hein. OK. Ah, d'accord. OK, vas-y. Allez. Oh là là là là, je suis Jules. Nanana, nanana. Ah, c'est un iPhone 5. Ah. Qui vibre, c'est ça? C'est ça? C'était Jules. C'était Jules? Ah mec, ouais. Je l'avais pas du tout. J'ai pas quitté. Bizarre. J'ai pas. T'aurais pu mettre des mots-clés quand même dedans. Hein, dans ta description. Ouais, parce que là. Et Morcroft nous dit: waouh, j'ai vraiment cru que j'avais reçu un message, donc ça a bien marché pour le vibreur en tout cas. Bravo. Ah. Bien joué. Et là, il regarde sur son téléphone, c'est sa meuf qui dit: je te quitte. Ah. Là, c'est pas fou. Yes. Ah. On enchaîne avec notre célèbre rubrique qui s'appelle le qu'est-ce que tu répondrais à toi si je te demandais de choisir entre deux propositions. Jules, tu as concocté, puisque tu connais quand même bien plus que moi Benjamin. Oui. Même si on commence à se connaître avec ce bon vieux bougre, et je l'apprécie. Bah, vous êtes presque meilleur ami, en fait. Donc, j'empoigne mon téléphone sur lequel il y a les notes et mon téléphone qui est en silencieux d'ailleurs. Ah bah, je le rappelle. On le rappelle. Est-ce que tu es prêt, Benjamin? Je suis tout oui. Ça va faire chauffer tes synapses. C'est parti. Moi, kiwi. J'y vais. Gon ou Kirua? Kirua. Kirua. Alors attends, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors oui, j'allais y venir. Gon et Kirua, c'est dans Hunter x Hunter, et c'est un animé, à la base un manga, puis un animé qu'on regardait avec Benjamin quand je venais chez lui. Et en vrai, cet animé, en fait, je l'avais lu au début, alors il y a super longtemps. Et en fait, le manga, ça m'avait bien plu, mais au bout d'un moment, en fait, c'est devenu un peu sanglant et tout, et j'ai arrêté. Et finalement, j'ai redécouvert sur l'anime, et je suis trop, trop content, quoi. Voilà. C'est une recommandation, moi, en soi. Du coup, c'est un peu une recommandation. Bah oui. Moi, c'est une anecdote, donc, après, moi, une recommandation. C'est ce que je regarde en ce moment, d'ailleurs. J'ai repris la série, et je regarde en ce moment. Voilà, et j'en suis très satisfait. On a Manu dans le chat, qui est Manu de l'épisode 1, le parrain de l'émission, qui nous dit Chris Pine ou Chris Pratt. Ah non, c'est pas aujourd'hui ça. Un petit rappel de ce célèbre moment. Parce que c'est un peu le Powercast Cinematic Universe. Exactement, et on l'embrasse en tout cas, Manu. Tout est lié. Coucou à toi. Belle ref. Benjamin, Lyon ou Tahiti? Lyon. Fais attention. Lyon, c'est bon, ouais. Tu peux rester. Rennes ou Dauphin? Dauphin. J'explique pourquoi. Ou peut-être Benjamin, tu peux expliquer pourquoi. Ouais, bah en fait, à Tahiti, on a, enfin, vu qu'on n'a pas de reine, en fait, quelqu'un a décidé que en fait, le Père Noël arrivait en dauphin. Donc voilà, sur des affiches, voilà. Et tout, tu vois, genre le Père Noël avec un traîneau de dauphin, quoi. En train donc de surfer vraiment, sur la vague. 8 à 10 dauphins qui traînent un traîneau, quoi. C'est incroyable. C'est ça. C'est trop bien. Parfait. C'est génial. Benjamin, ce jeu. Ah, c'était une petite imitation. Benjamin, Ratchet & Clank ou Jak and Dexter? Jak and Dexter. Jak and Dexter. Jak and Dexter. Ouais, et pour finir, attention à ce que tu vas répondre, parce que tu ressembles à l'un des deux. Iron Man ou Demis Roussos? Non, pas du tout. Iron Man ou Captain America? Captain America. Ah. C'est vrai que je le ressemble plus physiquement, mais ouais. Bah alors c'est vrai que ça, ouais, parce que les gens te voient pas là, parce que c'est un podcast. Voilà. Mais t'es extrêmement musclé. Pour t'imaginer, tu es l'équivalent de Captain America à la française, quoi. Et t'es actuellement sous stéroïde. Je suis un peu un mix entre Captain America et Laurent Mariotte, tu vois. Ah, ouh. Ouais, alors ouais. Là, c'est des rêves qui nous touchent, tu vois. Bah d'ailleurs, on peut peut-être dire au chat qu'on a un emoji, enfin pas un emoji, mais un emote, ouais, on, ils un emote, je crois, simplement. Emoticône. De Laurent Mariotte. Je sais pas. Alors comment je peux le voir? Alors pour l'avoir, alors je vous le mets parce que moi je suis, moi je ne l'ai pas. Responsable. Mais en fait, pour l'avoir, il faut s'abonner. Alors vraiment, on ne force personne à s'abonner, évidemment. Mais voilà, mais c'est des petites récompenses si vous abonnez. Accès à ça, ouais. Vous aurez le Laurent d'or et le Laurent Mariotte standard dans sa plus belle forme, sa et forme la Laurent plus pure, d'or. Avec un bon poulet devant lui. Oh la vache. Oh là là là là. Ah c'est un peu pour vous faire envie de vous abonner quand même. Hein. Ça tease, hein. Ça tease fort. Un petit peu. On fait de la pub. C'est vrai. C'est avec ça qu'on vous attire. D'argent. C'est un petit piège à souris. Manu nous dit dans le chat, on n'a pas de reine non plus ici. Nous, il arrive en bouteille de coca, le Père Noël. Bah, d'où son obésité. Hein, du sucre, de l'aspartame. Voilà. Clément, moi, je me demandais, toi, t'aurais dit Iron Man ou Captain America, parce que je t'ai pas posé la question. Moi, j'aurais dit Iron Man. Voilà. Allez, tout bah, simplement. Super. Allez. Mais non, mais en fait, j'en avais parlé dans ma story Instagram. Et en... Oui, bon, je fais de la pub pour mon Instagram, hein, il est marqué en bas à gauche de votre écran. Allez. On peut rajouter le mien d'ailleurs, s'il vous plaît. On le rajoutera dans la description, avec plaisir. Oh, ok, nice. C'est que Iron Man, moi j'ai grandi en quelque sorte avec lui parce que le premier film Iron Man c'était 2008. Et j'avais. Ouais, t'es né en 2006, c'est ça, n'importe quoi. Non, mais attends, j'avais 11 ans, voilà. Donc. Bah, j'ai mûri avec ce personnage de Tony Stark Iron Man et alors, ouais, t'as un beau fruit. Je suis un très beau fruit désormais. Voilà. Je te laisse continuer, Jules. Bah j'ai fini. Ah pardon. Ah merde. Et ouais, on avait que ça. J'étais pas prêt. C'était okay. Cool hein. Parce que bah, ouais, j'en ai que ça parce que Benjamin c'est pas un si bon ami que ça. On se retrouve pour une prochaine émission. À bientôt. Ciao. Salut. Et non, évidemment. 11 minutes. On passe à la deuxième rubrique culte qui est la rubrique des recos. Oui, qui est culte. Qui est original, hein, nous, bien sûr, on l'a inventé. On est les seuls à le faire. On est les seuls à le faire, on a le monopole. Alors, qui c'est qui veut commencer avec des petits recos? Allez, vas-y Clément, je te sens chaud. Écoute, c'est sympa. Moi, alors, j'ai très peu de recommandations, comme d'habitude. Je vais vous recommander, alors je vous fais la voix en même temps, le stream de Patrick Beau. Ah oui. J'ai même pas fait exprès en plus. Mais je l'ai vu direct. C'est des streams tout à fait insolites. Ah, ouais, en gros, en fait, en ce moment, pendant le confinement, Patrick Beau, sur sa chaîne Twitch, Patrick Beau, tout bonnement, fait des streams qui s'appellent Les étranges escales à la maison. Et c'est super intéressant. En fait, il parcourt Google Maps et Google Street View surtout pour nous montrer des endroits insolites. Et c'est super cool. Il interagit beaucoup avec le chat. Et voilà, et ça permet de découvrir des lieux dans le monde entier sans que lui ait besoin de se déplacer, donc sans bilan carbone, comme il aime à le rappeler. Et puis voilà, ça passe le temps. Moi, je le mets un peu comme un podcast sur un côté de mon écran, et puis je fais d'autres trucs en même temps. Et puis voilà. Et c'est qui Patrick Beau? Tout ça pour dire qu'il y a deux écrans, le gars. Alors, Patrick Beau, à la base, c'est l'auteur et créateur de la chaîne et du blog Axolot, qui est une chaîne et un blog de curiosité. Voilà, il aime bien parler de trucs un peu curieux. Voilà, avec cette fois. Co-créateur de la veillée, co-créateur du Fans Festival aussi, et voilà. Mais l'éveillé, c'est pas mal. Alors, j'écoutais pas mal l'éveillé. Oui, on l'avait déjà recommandé dans un powercast, la chaîne de la veillée. Numéro 2. Toujours très très cool. Voilà. Saison 1, épisode 2. Belle quali. Si je me trompe. Bah écoutez, moi je veux bien passer en seconde position pour les recommandations. Bien sûr. Bah très bien. Alors, pour cette recommandation, je vous recommande le film Vive les vacances, dispo sur Netflix. Vive les vacances? Qu'est-ce que Mais vive les vacances? c'est pas vacancy en anglais? C'est pas ça? C'est vacation en anglais. Vacation, pardon. Ah, avec Ed Helms de Very Bad Trip. C'est Voilà. ça, c'est ça, c'est ça. Et Et c'est le film que c'est tu m'as dit trois fois, c'est ça défonce. C'est ça, exactement. Parce que il faut le voir ce film. Si vous voulez vraiment rigoler, franchement, c'est un des derniers films où j'étais devant ma télé, mais non-stop, j'étais mort de rire. Je suais du cul. Ah bah il est dans ma liste Netflix. Ah, tu suais du cul de rire? Je suais du cul de rire, je Alors là, pense pour te dire. si ça vous motive pas à le regarder. Non, non, vraiment, c'est vraiment une bonne tranche de rire et c'est à regarder même en famille. Ok, c'est Voilà. tout public, c'est plutôt tout public. C'est ça, ouais, c'est Très plutôt bien, tout bah public. merci. Jules, Excellent. Alors recommandation. moi j'allais dire beaucoup de choses, mais là je viens de voir sur YouTube qu'il y a 2 jours Trio a sorti un clip Restez chez vous en webcam, donc je conseille pas. Alors, non, en vrai, j'ai rien contre eux. Non, Euh, bah. ma, ma rec mes recommandations, alors déjà Groom saison 2 qui se poursuit, c'est trop marrant. Oui, Et je gros coup de comprends. cœur pour Marie Lanchasse qui joue magnifiquement bien. L'effondrement toujours aussi cool. Franchement, le dernier épisode là sur l'île défonce et c'est encore une fois une prouesse technique. Alors ouais, j'en profite pour dire que pour ceux qui veulent commencer l'effondrement sur YouTube, attendez le mois de septembre parce que en fait ils peuvent diffuser, ils sont un contrat, en fait ils sont en contrat avec Canal+. Ils ne peuvent diffuser que 3 épisodes à la fois. Donc là ils en sont à Ah. l'épisode 7, donc vous pouvez voir que l'épisode 5, 6, 7 et du coup pas commencer Donc. la série. Donc attendez septembre où toute la série sera remise en ligne entièrement du début à la fin. Et Voilà. justement, Benjamin qui n'a pas vu les épisodes 5, 6 et 7, mine-toi. Ah oui, parce Surtout que il te reste un mois du coup. pour le 6 et le 7. Et finalement, ma vraie reco, en fait, c'est la chaîne de Barnaby Dixon. Barnaby Dixon, c'est un mec qui est, comment dire, il est quelque sorte bricoleur, inventeur et un petit peu marionnettiste. Et il a une marionnette en bois et en métal qui représente un oiseau et qui tient avec, comment dire, tu vois ses doigts, mais c'est très bien cadré pour que tu vois sa petite marionnette comme le personnage de la vidéo. Et en fait, chaque jour, tu vas suivre la petite marionnette avec une voix off très posée qui va faire différentes choses. Elle va aller dans un lac voir les grenouilles. Et ils vont recueillir un oiseau à un moment. Je crois qu'ils réparent un instrument de musique un jour. Et c'est trop posé. Si vous comprenez un petit peu l'anglais, c'est vraiment une chaîne, ce qu'on appelle des chaînes un peu feel good, Ouais, ça a l'air tout qui mignon, quoi. c'est vraiment adorable et c'est un peu marrant. Et t'es en mode oh, et puis tu fais ah, des petits rires un petit peu innocents, un petit peu candides, tu vois. Et voilà, Mignonnet. c'est très très bien et j'aspire, j'aspire pas à devenir à faire une chaîne comme ça, mais j'aimerais que YouTube recèle un peu plus de perles dans ce genre, tu vois. J'aimerais bien te voir créer une Positive. marionnette et l'animer et tout. Eh Ça me ben, ferait très très écoute, rire. tout ce que j'ai, c'est le Gant de God Miché toilette. de Story of Nothing épisode 1. Ouais. Donc bon, pour les marionnettes, On bon, repassera. je peux lui coller des yeux, mais bof. Je sais pas Sinon, trop tu ce peux que tu faire un vois. alien qui sort de ta bouche. Après, c'est un Et choix. ouais, bah alors, le problème, c'est la partie God. Dans ma Utiliser bouche. aussi. Ouais. Bon, après, si, ouais. J'en profite pour recommander. Il y a Manu dans le chat qui nous recommande une chaîne YouTube qui va bientôt tourner un film. On en avait parlé d'ailleurs dans le PowerCast saison 2, épisode 4 de cette chaîne. Ils ont récolté plus de 3K. 3K, vous vous rendez compte? Ça fait au moins quoi, 3 000 euros pour le faire. C'est bien sûr la chaîne de Crème Fraîche qu'on recommande à quasiment chaque épisode. Mais bon, là, il est présent dans le chat, donc on en profite pour lui faire un petit coucou. Allez voir ce qu'ils font, Oui. allez les soutenir, c'est super cool. Ils ont des projets fantastiques, et surtout ce projet de film qui va être trop trop cool. Voilà. Eh ouais. J'avais une dernière petite reco. C'est le groupe OK Go. J'en avais jamais parlé Ah dans le ouais. PowerCast, mais pourtant c'est un groupe que je connais depuis très longtemps, qui font en fait des clips fous, mais vraiment fous de fous. Déjà, ils font de la bonne musique, et en fait, à chaque tube qu'ils font, ils font des clips de plus en plus. Comment on peut dire? De plus en plus Audacieux, audacieux, voilà, tout à ambitieux. fait. Ils ont, par exemple, juste un exemple comme ça, ils ont tourné un clip en 4,5 secondes, qu'ils ont tourné avec une caméra Slow motion? slow motion, merci Jules d'être Bon, là. tu me dis, hein. Ils Je ont travaille dans tourné le donc ciné. ça avec une caméra slow motion, et du coup, après, ils repassent en ralenti tout le clip, et c'est complètement fou. Il se passe plein d'actions en fait, alors que c'est passé en 4,5 secondes. Et est-ce que c'est synchronisé avec ce qui se passe dans la musique à peu près? Oui, c'est en rythme et tout. Oh là là, c'est ça qui est fou. Oh là là. Non, mais c'est ça qui est complètement dingo. Ils ont aussi tourné un clip en apesanteur dans un avion. Ça, je l'ai vu. 0G. Moi, j'ai vu le clip où ils ont une voiture et ils foncent et ils tapent plein de choses. Ça fait. Et ça fait la musique. Et ça refait la musique du clip. Ouais. Et voilà. Très, donc, très plein de projets fous. Allez voir la chaîne de OKGO. En plus, c'est en 4 lettres. Donc, ça se tape assez vite sur YouTube. Vous pouvez pas les rater. Voilà. Je me demande si ça a activé le OK Google des gens chez eux. Alors, j'aimerais bien que ça l'ait fait. Des fois, voilà. Tu dis juste OK et ça active Google. J'aurais une petite dernière reco aussi. Vas-y, mais profites-en. Alors, en fait, vu que je fais du longboard, j'aimerais un peu promouvoir cette discipline qui est la mienne. Mais tu as Et donc, en fait, c'est la chaîne Entrecouze. C'est un ami qui fait des montages et qui est super, super fort. Là, il a acheté du matos de fou pour faire un projet. Il fait des montages de cinglés, ça fait super longtemps qu'il fait ça, et donc c'est super quali, c'est super propre. Donc si vous avez envie de découvrir le longboard sur de bonnes bases, vous allez là-dessus. Entre comme entrée entre, porte, enfin ouais. dans quelque chose. Ouais, cousin, C-O-U-Z, et après il y a un S. Entre okay. Cousin. Entre cousin. Voilà. Ah d'accord, donc Z-S, C-O-U-Z-S. Z, yes. Ah, je l'ai. Très bien. Et donc, c'est déjà c'est montage de fou. Voilà. Mais voilà, en plus il y a du niveau, donc c'est super plaisant à voir. Il y a des champions européens qui passent dedans, champions français, donc voilà. Très bien, on ira voir, on ira jeter un œil. Pour ceux en tout cas qui veulent découvrir la longboard, n'hésitez pas à aller voir Entre Couses. Le longboard surtout, le longboard. J'ai dit quoi? J'ai dit la longboard. La longue. Pardon. Non, en vrai ça se dit. C'est comme, enfin c'est t'as pas de, vu que c'est un mot anglais, t'as pas de problème. C'est vrai, il y a pas d'équivalent en français. Très exact. Bien. C'est la tout bon pour les rocos. On a fait tout le tour. Je crois. Bah moi je suis roco. Après je sais pas si ça. Alors cette blague. Allez. Les rocos si Freddy. Je crois que j'avais dit dans un autre podcast en plus qu'on bannissait, donc. Ouais. Ça... Bah salut Benjamin. Bonne soirée. À bientôt. Ça dégage hein. Ciao. Salut. Alors, on va continuer l'émission avec un jeu un petit peu déglingo quand même. Pour ce jeu, on va avoir besoin de vous dans le chat, ce qui est complètement dingo. Non, mais attendez, hein. Il s'appelle ah oui. Qui est concerné par cette anecdote un peu fofolle. Oui. Donc, on va tenter de lancer. Alors, on n'a jamais fait. C'est pas la question la question coquine. Non. Oh non. Nous dit Manu. Donc on va lancer des sondages. Attends, je l'explique-le parce que je suis complètement. Bah voilà. En fait, si vous avez déjà regardé Askip, bah c'est la même chose, c'est-à-dire que un sondage va apparaître. Où est-ce qu'il apparaît le sondage, Clément ? Il va apparaître en haut du chat sur Twitch. Voilà. On va vous poser un intitulé, par exemple, qui s'est déjà cassé les deux jambes ? Et vous devrez voter soit pour moi, soit pour Clément, soit pour Benjamin. Celui que vous pensez à qui c'est arrivé. Voilà. Voilà. Votez pour moi, hein, numéro 3. Votez. Sachant que pour ceux qui croient connaître telle personne, il y a des trucs qui n'ont pas été dits, qui sont un peu exclusives, et que vous n'avez pas forcément, que chaque personne n'a pas forcément deux anecdotes chacun. Enfin voilà, vous pourrez pas trop, peut-être pas faire par élimination. Voilà, tout simplement. Oui, voilà, ça concerne que un de nous trois. Donc nous, on va essayer de jouer un peu poker face. On va essayer. Moi, j'ai déjà sondé quelqu'un, mais c'est. Enfin, ouais. Quoi ? Bon, bref. Allez, on y va. Je te laisse les lire, Jules, en poker face. Vas-y. Alors, la première, si on sait bien, si on est rodé, Clément, oui. C'est qui a peur des produits périmés ? C'est tout à fait ça. Je lance le sondage. Maintenant, c'est à vous. Vous avez wow, une minute. Ça va très vite. Ah, je le vois. Ah, ça a je fonctionné. Peux... Alors, vous avez... Ça fonctionne de ouf. Vous pouvez voter, je pense. Voilà, vous pouvez cliquer. Bon, alors moi, évidemment, je vais pas voter. Oui, non. Ah, et en plus, ça s'affiche à l'écran, c'est formidable. Mais oui, mais voilà. Et oui, Jules est encore en première position, tandis que Clément commence à rattraper sur le col de la lumière. Oh là là, oh là là, égalité. Personne ne croit en toi, Benjamin. En tout cas, Benjamin, là, votez pour moi, ouais. Votez pour moi, là. Oh, il y a une égalité. Oh là là. Oh là, c'est bon, il y a Jules qui remonte. Et nous avons 57%, soit l'équivalent de 4 votes pour moi. Et pourtant, vous étiez 3 à avoir la bonne réponse, puisque c'est Clément qui a peur des produits périmés. Il est très intolérant. Clément, je te laisse le mic. Alors, je vais expliquer. Genre, c'est une phobie. Non, c'est pas une phobie, quoi. C'est pas jusque-là. Mais c'est vrai la peur. Oh, et oh. J'ai les chochottes. Okay. Les chocottes, pardon. Les chochottes. Les chochottes. Je suis une chochotte aussi. J'ai des chocopops. Okay. Non, c'est juste que j'aime bien. Sur une majorité de produits, vérifier quand même la date de péremption. Et en général, ça me dégoûte un peu si c'est un peu périmé. Voilà, mais ça dépend des dates de péremption aussi, c'est pas non plus voilà, dans l'excès. Ouais, bon, vous aurez tous compris sur le live, il a peur. Voilà. On va pas passer 20 ans dessus. On passe au sondage suivant. Oui, alors attention, mesdames et messieurs, qui est l'arrière-petit-fils du premier chanteur de l'Opéra de Lyon? Allez-y, votez, c'est votre moment. Allez-y. Alors, ah, qui est, oh, je répète. Est-ce que quelqu'un peut faire le... Ah, c'est serré, hein. C'est bon, ça quelqu'un va. Peut faire le... Quelqu'un peut... C'est serré, ouais, il y a deux votes. Quelqu'un peut faire le tic-tac de qui veut gagner des millions, là. Le quoi? La musique de... Ah, de quand il y a les votes du public, là. Ouais, voilà, exactement. Oh, putain, je sais plus c'est quoi. Après, tu fais le son de warp à la fin, tu fais... Ah, oulala, ça se démarque très nettement. Ouais, Benjamin est en train de... Oula, il grimpe en flèche. Il y a un délit de faciès, hein, apparemment. Benjo les Lolo, comme on l'appelle. Benjo les Lolo. Les topos de Lolo. Jules, par contre, zéro. Alors, personne ne croit en tes capacités d'être un petit fils. Alors que, je suis pure souche française, n'est-ce pas? Bah, là, maintenant, on a la confirmation, en tout cas. Et donc, voilà, on a Benjamin qui est en tête quand même avec 86% de vote. Bah, bravo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au chat, puisque c'est effectivement les... Benjamin est l'arrière-petit-fils du premier chanteur de l'Opéra de Lyon. Voilà, Benjamin, une petite explication. Effectivement, mon arrière-grand-père qui était chanteur d'opéra de Lyon et qui a marié mon arrière-grand-mère et qui s'est. Et mon arrière-grand-mère a déclaré le divorce, qui était chose très. À l'époque, très compliquée. Ah, donc, ouais, donc que des révolutionnaires en fait dans ta famille. On peut dire que c'était un petit bout de femme forte, quoi. Et, un beau brin de femme. Et la légende de la famille dit qu'il aurait fait il aurait été en Belgique et aurait fait sauter le roi quand il était enfant sur ses genoux. Voilà. Ah bon? Alors ça c'est complètement fou ça. C'est voilà, c'est la légende de la famille, il y a aucune preuve mais wow. Alors que tout le reste et il a une plaque à l'opéra, non? Ouais, il a une plaque à l'opéra, ouais. C'est un peu le Hollywood Boulevard de Lyon, quoi. C'est un peu pareil, quoi. Tous les grands y sont. Sauf Trump, qui n'y est pas. Alors ensuite, prochain intitulé, le grand-père de quelqu'un a grugé l'armée pour ne pas aller à la guerre. Voilà, et ça se lance, c'est parfait. Qui est-ce que ça concerne? Qui ça peut concerner ici? Je me languis de vos réponses, je ne peux pas voter, ça me rend fou. Oh bah, c'est vrai. C'est vrai que si tu votais, Jules, peut-être que tu auras la réponse, en fait, parce que c'est toi qui as fait le jeu. Non, mais attends. Exactement. Ouais, alors... Alors, il y a un petit peu de vote pour toi, Jules, il y a un petit peu de vote pour moi, il y a même carrément de vote pour moi. Ouais, c'est bien. Ouais, ça fait que mes grands-parents, ça se trouve. Aucun pour Benjamin, comme si c'était pas possible d'être chanteur d'opéra et de ne pas aller à la guerre. Hein. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est pour l'arrière. Ça qu'il a grugé, c'est peut-être comme ça qu'il a grugé. Ah ouais, vous savez faire quoi? C'est bon. Du bon, allez, vous êtes dispensé. Vous. Cassez-vous. Donnez une plaque. Ah, il y a quand même plus de votes pour moi, là, pour l'instant. Ouais. Benjamin, pas du tout. Jules, un vote pour toi. Bon, ouais, c'est okay. Parce que j'ai pas de grand-père, mais après, c'est. Enfin, ouais. T'es passé direct de arrière-grand-père à ton père, quoi. Ouais, ça va, c'est une histoire de. Ah, allô, alors. Allez, c'est bon, le sondage est terminé. C'est Clément qui remporte les votes et c'est encore une bonne réponse du chat. Ils sont forts. Puisque Clément va nous expliquer tout simplement. Allez-y, Clément, allez-y. Alors, j'ai pas tous les détails, mon papy en avait parlé. Il avait. Bah, il voulait pas aller à la guerre d'Algérie. Je peux comprendre. Ce qui se comprend quand même. Parce qu'il est raciste? Justement, non. Je pense qu'en fait, il y a un ami à lui qui travaillait avec lui, en fait, qui lui voulait y aller et qui lui était dispensé. Je sais plus pourquoi. Et en tout cas, ils ont échangé en gros leur. Je sais pas comment ça se passait à l'époque, mais pas vraiment leurs identités, mais. Leur perruque, leur fiche, leur quoi. Manteau. Leur manteau, ouais. Et c'est plutôt son leur ami femme. Qui voulait y aller, qui allait à sa place. Voilà. Et du coup, il a grugé comme ça. Ouais, si on peut arranger tout le monde. Bah oui. En vrai, voilà. Lui, il voulait absolument y aller. Mon grand-père. Et Captain America, il voulait y aller à la guerre, il pouvait pas. Et puis voilà. De toute façon, j'espère que pour toutes les anecdotes, il y aura des explications derrière. Hein, parce que sinon, on laisse. Tu vas voir pour les prochaines. Qui s'est lui-même planté une hache en bois dans la jambe? Hop, celle-là, elle est peut-être connue. J'en parlerai après. J'en parlerai après, on laisse le chat voter tranquillement en alors, son âme. Si tu voulais me demander ce qu'est une jambe, c'est la partie inférieure, gauche ou droite d'ailleurs, de ton corps, ouais. Qui sert à tenir sur tes appuis, quoi. Ah, c'est et ça. Et en ce qui concerne une hache, c'est un des objets que tu peux trouver dans Minecraft, par exemple. Et c'est normal qu'il y ait écrit planté et bois, en fait, dans la même phrase. C'est pour faire une petite. C'est une référence agricole, car je rappelle que je travaille dans les légumes. C'était pour et rester dans dans le champ lexical de la plantation. Oui. D'ailleurs, c'est la saison des asperges, n'hésitez pas. Hein. Légumes de saison. Ah, mais il y a ta rubrique qui arrive après sur les légumes de saison. Bien sûr, je vais vous dire tout ce qu'il y a à manger. Je vais vous dire tout ce qu'on a au frigo. Bon, écoutez, je crois que. Oui, là. Je crois que. 100%. Vu que je l'ai raconté dans un précédent Powercast. C'est ça que je vais te demander, il me semblait. Hein, quand même. Oui. C'était pour compléter un petit peu. Les gens n'étaient pas dupes. Je me suis planté. Une hache en bois dans la jambe, je le réexplique très vite fait. J'étais dans la, comment dire, la réserve à bois chez ma grand-mère. Mon père coupait du bois. Évidemment, complexe d'Oedipe, j'ai voulu faire pareil. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça le complexe d'Oedipe. Ah, pardon. J'ai voulu faire comme mon père. Et j'ai enfanté ma mère. Non, c'est pas ça. Putain, je me. Merde. J'arrête pas de me perdre. Ouais, j'arrête pas de me perdre, je suis dyslexique aussi. Et j'ai voulu faire pareil, couper du bois. Donc j'ai mis une petite bûche devant moi. J'ai levé la hache et je me la suis plantée dans le tibia gauche. Mal. Oui, j'ai pleuré. Je suis pas. Oh, bah, t'es une chochotte, toi. Ouais, bah, je suis un petit peu ce. J'ai t'as pleuré comme une madeleine. Ou tu l'as effacé Absolument pas. Ça n'a pas touché mon os, je crois. Donc j'ai dû me prendre juste le poids de la hache qui tombait. En fait, j'ai pas dû vraiment y aller fort. Et ça a planté ma peau, ça c'est sûr. J'ai saigné, etc. J'ai été recousu. Mais je crois que l'os n'a rien eu et j'ai même pas de cicatrice. Donc, Mais c'est chaud de pas avoir de cicatrice. J'en vois mal. T'as eu de la chance. Bah, je suis Wolverine. Bon, en vrai, c'est dommage parce que ça fait un effet en plus. Ouais, mais moi, comme je déteste l'asymétrie, et ben le fait de ne pas être symétrique, c'est bien. Bah, tu serais planté une autre hache dans l'autre chambre au final. Oui, bah, tu vois, alors pour la petite anecdote, je me suis aussi fait planter une pioche de jardin dans la main. Ah oui, main droite, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Ouais, ça l'histoire. Ouais, je l'ai fait pour un Powercast. Un dilo, c'est tout. Pour un défi. Et pour un challenge Instagram. Et ça me stresse parce que du coup j'ai une marque sur la main et j'aimerais bien ne pas la voir parce que ça me fait une asymétrie. Je déteste ça. Oh là là. Voilà. Mais t'en as parlé dans le podcast avec les frères. Oui. Parce que j'aime. Les frères, on dirait non mais que... j'aime citer nos propres podcasts pour que les gens se retrouvent un petit peu mieux. Là, je crois que ça fait déjà 3 fois qu'on cite les autres podcasts. Et c'est jamais le même, donc ça va. Tu vois, comme ça, les gens peuvent faire le lien, aller les écouter s'ils les ont comme pas ça, écoutés, oui, etc. Les gens font un petit tour, et puis voilà. Vous voulez citer le mien, peut-être ? La précession, apr.sèche sur Instagram. Voilà, je mets le petit logo. Hop, là. Voilà. C'est dans le contrat, à chaque fois qu'il parle de ce podcast, on est obligé. Eh bah, fallait me le dire plus tôt, mon dieu. Sondage suivant. Attention. Prochain intitulé. Qui a empêché un incendie en forêt ? Voilà. Mesdames et messieurs, munissez-vous des boîtiers qui sont sous vos sièges. Un bel fireman. Votre réponse. Bah, sinon, le confinement. Moi, j'ai encore fait de la batterie aujourd'hui. Je fais un peu de sport. J'ai pas mal perdu de bide et gagné en musculature. Donc alors, Jules, t'es vraiment en train content. De parler vraiment de ce qu'on va parler après. Enfin, de la rubrique qu'on avait prévue après. Bah, vous avez pas dit qu'on parlait un peu de confinement là en attendant ? On en parlera après. Ouais, moi j'arrive là, je boycotte tout pour en fait parler de la pré-session. C'est un podcast sur longboard. On est confiné, y a pas d'emploi du temps. Là. C'est la fête. apr.sèche sur Instagram. Alors, c'est Benjamin qui a remporté les votes. J'ai eu un vote pour moi, c'est très gentil, on me considère comme un héros. J'ai pas vu que Morcroft avait dit qui a empêché un incendie en feu de forêt. Déjà pas moi, vu mes qualités de bûcheron, vu mes qualités avec une hache. C'est sûrement pas moi. Et effectivement, c'est Benjamin avec 5 votes pour lui. Benjamin, je te laisse la parole. On était en road trip, un peu des hippies en fait. De longboard, nous on cherche l'adrénaline, bref. Ah oui. Du coup, on avait fini notre trip, on commençait à rentrer sur Lyon, mais on s'était posé une fois un jour en Ardèche, et du coup, en arrivant en Ardèche, on zonnait un peu en Ardèche, et puis en fait là on voit plein de fumée, tu vois. Du coup, on va voir, puis là on voit un début de feu de forêt, mais des trucs, tu vois des sapins de 30 mètres en feu, tu vois, c'est impressionnant. Ouais. Du coup, on a appelé les pompiers et tout, et puis ils ont dit ok. Non, ils nous ont demandé, mais du coup, vous êtes où ? Et là, on était en mode, mais en fait, on sait pas où on est, tu vois. Du coup, on a demandé aux gens aux alentours où est-ce qu'on était et tout. Et en fait, le feu de forêt, c'était un papy qui avait fait brûler son foin qui est de son jardin. Et genre, il a fait une petite sieste et il s'est réveillé et la forêt en feu. Ouais, quand on lance un feu, déconseillé de s'endormir. Mais le papy, il était tellement mal et il était affolé et en vrai il prenait des dents d'oranger de fou. Du coup on lui a mis une petite claque, boum, on l'a couché. Ça l'a réveillé. Puis après, ouais, ah, les pompiers sont arrivés avec des quads pour faire le tour de l'analyse, plein de ah, ouais. Gros. Ouais, non, c'était impressionnant. Ah, bravo. Moi, ça m'est déjà arrivé dans une moindre mesure. Moi, j'ai mis le feu à la végétation d'un skatepark une fois. Ah. J'avais posé les pétards pan. Un bison 4, j'ai mis un petit bison 4. J'avais mis un petit pétard, en plus pas très gros, parce que pas très cher. Oh, le petit pétard. Et, je l'ai mis sur un muret. Et à côté, il y avait un grillage. Et derrière ce grillage, il y avait de la végétation. Mais je me doutais absolument pas que ça allait prendre feu. Ça commençait à prendre feu. Moi, j'ai pendant que les autres éteignaient le feu, moi je chialais. Donc finalement, je donnais un petit peu d'eau avec mes larmes. Et les gens du skatepark ont très bien réagi. Et moi j'ai fait merci les gars en tout cas parce que moi je suis vraiment une merde. Et après j'ai plus jamais racheté de ces saloperies de peur de foutre le feu. Très bien. Donc toi tu es tout le contraire de Benjamin. Voilà. Fait du foot. Moi c'est oui. Bah peut-être que l'incendie qu'il a vu, c'était peut-être moi qui l'avais démarré. Ah, mais peut-être, en fait, le papy, c'était un gars qui était là, qui avait rien à voir. Sondage suivant, Jules. Je petite grippe saisonnière. Bien sûr. Qui connaît un agent secret? Question. Alors, celle-là. Pas évidente, celle-là. Alors là, celle-là. Oh. Et en vrai, Jules, j'ai réfléchi au niveau timing. C'est vrai que ça pourrait être pas mal de parler pendant que le sondage se fait, parce qu'on a du temps. Et ouais, parce que ça fait 50 minutes déjà. Ouais, tu as raison. On va parler de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a appris à faire pendant le confinement. C'était une petite rubrique qu'on avait prévue normalement juste après, mais on va en parler maintenant, comme ça on a le temps pendant que les gens et votent. Et voilà, on me chie dessus, au final j'ai toujours les meilleures idées. Mais n'hésitez pas à voter dans le chat pendant qu'on en parle. Jules, donc toi, c'était abonnez-vous, hein. Du sport, c'est ça? Tu t'es mis au sport un petit peu? Bah, je me suis mis au sport. En fait, j'avais un rythme de vie un peu dégueulasse. Je me couchais à 5h du mat et machin. Je faisais que jouer à Apex ces dernières semaines. Ouais. Et là, je me suis pas mal calmé. Et je me suis mis un peu à courir. Et en plus, entre temps, j'ai repris le sport. J'ai repris le boulot, pardon. Ouais. Et comme le boulot est un peu physique, bah, du coup, en fait, je suis in shape. Là, ça y est, je suis in shape. Tu te mets à courir, genre, tu tournes autour de ton quartier? Enfin, comment ça se passe? Dans ma chambre. Ah, tu fais 3 km chez toi? Ouais. Je fais 3 km chez moi, exactement. Tu fais de la course sur place, du coup? Ouais, pour être à l'ombre et d'accord, pas avoir le pollen, voilà. Alors, concernant le sondage de qui connaît un agent secret, il y a eu 4 votes pour toi, Jules, 2 votes pour moi, et pas du tout de vote pour Benjamin. Alors là, désolé Benjamin, tu connais pas. Les gens connaissent ma vie, à chaque fois qu'il y a une question sur moi, c'est top tendance, mais... Alors celui-là, je me demande comment les votes se sont orientés vers moi, parce que personne n'aurait pu le deviner. Mais effectivement, c'est moi. Alors, si, tu m'en avais parlé, Jules, t'en avais parlé à tout le monde, en fait. Enfin... Oui, bon, bah ça va, ça va. Merde, Clément, à la fin. La pire personne pour garder un secret. Je connais un ex-agent secret maintenant. Je veux pas trop en dire sur lui parce que du coup je voudrais pas que ça foute la merde, mais il bossait pour des services secrets français, je crois. Et je peux vous dire qu'à un moment ça s'est mal passé, qu'il a fait de la tôle, et je peux pas vous en dire plus. T'es voilà. Chaud. Ouais. De toute façon t'as pas vraiment le droit d'en dire plus. Ouais, non, je bah sinon je vais me faire égorger. Il est derrière moi là. Ah, yes. Qui a refusé de débarrasser la table parce qu'il était invité chez quelqu'un? Alors je l'ai un petit peu reformulé pour qu'elle tienne dans le truc. Ouais. C'est-à-dire que l'une des personnes autour de cette table virtuelle était chez quelqu'un. La personne lui a demandé de débarrasser la table. Il a dit bah non, en fait je suis l'invité. En gros, ouais, je pense que c'est ça. On va continuer avec Jules. Jules, on reste encore sur toi vite fait pour ce que tu fais pendant le confinement. Du coup, tu fais aussi de la batterie, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça? Tu t'es remis à la batterie. Ah oui. Et c'est une catastrophe. Ah, yes. C'est-à-dire que ma caisse, j'explique très vite fait, ma caisse claire est pétée et les capteurs ne sortent pas les bons sons. Ouais. Et du coup, des fois, on tape très fort et on a un bruit pas fort du tout, qui correspond pas du tout. On a un petit claquement de baguette, tu vois, alors que tu veux taper très fort. Ah merde. Oh là, il y a une belle égalité là. Ouais, je vois le sondage. Les gens sont indécis. Hein. Les gens sont complètement indécis. Il y a 33. C'était le rêve de Manu d'ailleurs de faire une égalité parfaite. Et là, ça marche. Il l'a dit. Alors, c'est ici, aussi là que la Belgique pense à lui. Aïe. Ça va rester comme ça. Ah, personne pour départager. Ah là là là là là là. Égalité parfaite. Nous sommes tous les trois gagnants. Et c'est vrai qu'on a vraiment qu'on est des petits sacripants tous. Bah, on l'a tous fait en fait. C'est pour ça, vous avez raison. C'est faux. Moi j'étais trop stressé de bien me tenir et d'être bien élevé chez les autres en mode vraiment j'osais rien demander quand j'étais pas chez moi. Et ouais, et au final c'était une anecdote qui me concernait. Alors ça m'est arrivé une fois et j'étais vraiment enfant. Justifie pas Et je m'en souviens même pas tellement c'était il y a longtemps, donc pour vous dire quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus, c'était surtout parce que c'était aussi une sorte de stress aussi, Jules, je pense, de réagir comme ça que je l'ai fait, parce que moi aussi j'étais un petit peu un gamin stressé souvent. Mais voilà, j'étais sûrement infernal à ce moment-là. Et t'étais stressé de mal faire, du coup t'as dit, je vais pas débarrasser la tête. Non, mais il y a pas de doute. Ça, mais c'est juste en mode quand t'es invité chez quelqu'un, t'es un peu stressé. Tu te dis, je vais être mal poli, du coup ça sera. Mais je vais pas me justifier là-dessus, je pense que j'étais insupportable. On va pas débattre toute la soirée, non. t'es mal poli. Bon. Voilà, c'est tout. On passe au suivant. Ouais, il y avait. Oh, pardon. Oui, pardon. Vas-y. Il y avait une fois où, en fait, j'étais. Bah, en fait, moi aussi, j'étais hyper stressé à chaque fois que j'allais chez des gens. Et en fait, il y a une fois. On nous sert tous à manger et tout. Et du coup, j'attends. J'attends qu'on soit tous servis et tout. Ouais. Et puis après, du coup, une fois que tout le monde est servi, j'ai mangé. T'as craché dans une assiette. et puis là, en fait, t'as la personne qui me dit t'attends que la maîtresse de maison ait commencé à manger. Pour ensuite manger. Ah, et ouais. Ouais, là t'es blanc. T'étais invité chez un duc, un truc comme ça. C'est ça. Ouais, bah en fait c'est Trump qui m'a invité. Ah, oui, mais bah, c'était quand il était encore. Quand j'étais avec Scarlett Johnson encore avant, à l'époque. Quand il était que millionnaire. Mais puis après machin, Barack Obama, missile nucléaire, Corée du Nord, tout ça. Bref. Tu nous passes les détails. Scarlett. Ouais. Et attends, mais d'où c'est la maîtresse de maison? C'est le père normalement, non, qui commence? Bah, quitte à faire une tradition. Parce que dans ta société patriarcale, qui n'est pas la mienne, c'est pas comme ça. Donc, voilà. Moi, c'est le chien qui mange en premier. Comme ça, y a pas de jaloux. C'est croquette. Et j'ai oublié de remercier tes frères et sœurs Clément qui m'ont fourni en anecdote. Eh ben, on les embrasse. Je crois qu'il y a mon frère dans le chat en tout cas. On l'embrasse. Exactement. Prochaine anecdote. Alors, les deux qui arrivent sont vraiment mes préférés. Ils sont formidables, ces sauvages. Je les adore. Qui a volontairement pissé sur sa mère? Le P3-4 petit point, c'est pissé, du coup, pour ceux qui auraient pas saisi. Ah, ça va direct. C'est un gros dégueulasse. Jules, directement. Wow, alors, qui est un gros dégueulasse, bim, Jules, allez, ça part. Alors, qui a pissé sur sa mère? Alors pendant que les gens votent, Benjamin, toi, tu fais quoi? T'as appris à faire quelque chose pendant le confinement? Est-ce que tu t'es donné des défis un petit peu à réaliser? De toute façon, non. Bah, déjà, oula, c'est fait beaucoup de. Il fait rassemble tes mots, voilà. Et refais une phrase, vas-y. Non, en vrai, moi, je trouve que faut pas se forcer à faire quelque chose forcément de son confinement. Si t'as rien envie de faire, tu fais rien. Puis... Ah, mais bien sûr. Mais en vrai, tu vois, il y a tellement une pression, tu vois, genre sur les réseaux où t'as l'impression que t'es obligé de rentabiliser le truc. Qu'en vrai, si t'as envie de rien foutre, tu fous rien. Et puis, en fait, c'est juste que c'était l'occasion de faire des trucs. Mais du coup, ouais, moi je me suis mis sur Illustrator pour faire mon logo de mon podcast. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé. Un podcast sur longboard. C'est ce logo là, je crois. Exactement. Il a pas dit le nom. Après session, APR. Voilà. Après session. Et du coup, c'est apr.sèche sur Instagram. D'accord. Et du coup, ça m'a pris super longtemps parce que Illustrator, pour le maîtriser et tout, c'est de la merde. Enfin, c'est super chaud. Et puis, ouais, non, c'était vraiment cool. J'ai eu du mal, mais maintenant. Alors, concernant le sondage de qui a volontairement pissé sur sa mère, il y a 67% qui votent pour Jules, 33% pour Benjamin, 0% pour moi, merci. C'est parce que j'ai dit que j'avais un complexe d'Oedipe et que j'ai dit des trucs dégueulasses tout à l'heure qui sont pas vrais d'ailleurs, je préfère le préciser, on sait jamais, parce que du coup vous dites que je fais des trucs vraiment dégueulasses à base de pisse. Ce n'est pas moi, figurez-vous, car c'est Benjamin qui n'a eu qu'un vote finalement, qui a pissé sur sa mère. Alors, il y a une anecdote, il y a un contexte. Faut développer là. Je te laisse expliquer avant que les gens postent sur les réseaux. Premier point, c'est pas un plaisir déjà de pisser sur sa mère. C'est pas quelque chose qu'on fait, on se dit pas le matin, on se réveille, on fait hop, je vais pisser sur ma mère. C'est mon moment. Une petite tartine et allez, hop, je vais pisser. Bref. alors en fait, c'est parce que moi je suis un Robinson Crusoe de la vie moderne. J'habitais à Tahiti avant. Donc Tahiti, les oiseaux, la neige. La mer, attention, la mer, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a des trucs de fou, il y a des méduses. Les méduses qui piquent. Et un remède pour les méduses qui piquent, c'est de la pisse. Ça soulage instantanément. Ah mais oui. Et une fois, ma mère elle est nager, elle est revenue, elle avait très mal et elle disait il faut que tu me pisses dessus, il faut que tu me pisses dessus. Je t'en mais je veux pas te pisser dessus. Et elle avait une caméra, il y avait une équipe de tournage avec. Ça t'a gêné un peu. Et du coup, non, en fait, enfin là c'était vraiment arrangé, mais du coup en fait j'ai pissé dans un réservoir, enfin je sais plus c'était dans un verre ou dans un bocal, enfin bref. Ouais. Et du coup et du coup après elle a appliqué la solution sur sa blessure. Voilà. Alors moi j'avais toujours cru que c'était une rumeur comme quoi il fallait pisser sur une plaie de méduse, mais donc c'est vrai, tu confirmes que ça. A ouais, là c'est vrai. C'est un véritable conseil. Bah après okay. Je me suis jamais fait piquer par les méduses, hein, mais. Bah a priori ta mère s'en est sortie. Oui. Ouais. Non. Ouais. Très bien, c'est trop bien. J'adore cette anecdote, elle est géniale. Et alors, c'est peut-être celle-là qui gagnera une espèce de Laurent d'or de l'anecdote. Ah bah là, hein. Bien sûr. La dernière anecdote de ce jeu, qui, mesdames et messieurs, qui a eu un genre de mille pattes centipède, enfin voilà, une saloperie qui rampe, coincée dans l'urètre. Allez, je vous ai laissé 2 minutes pour voter, le temps qu'on finisse un petit peu sur les choses qu'on a appris pendant le confinement. Ouais. Toi, Clément ? Bah moi, alors je me suis un petit peu forcé parce que je suis très nul en cuisine d'habitude. Et là, on s'est mis un petit peu. Alors, je suis encore chez mes parents actuellement. Et on s'est mis un peu un planning de cuisine. Donc chacun dans la maison doit faire un jour la cuisine. Comme ça, voilà. C'est un bon défi en soi parce que du coup, moi, je suis très très nul en cuisine. Et donc, j'ai appris alors à faire. Je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, j'ai fait des donuts, j'ai fait des cookies, des choses que je n'avais jamais fait de ma vie, quoi. Et j'ai aussi fait des boulettes à la mode Ikea, comme ça. Et c'était super bon. Et je suis super content de moi d'avoir fait ça parce que j'étais vraiment nul avant. Je faisais des pâtes et voilà, c'est tout. Et là, ça va découvrir le monde de la cuisine. Est-ce qu'on peut oublier de parler de pâtes ? Parce qu'avec le sondage, c'est un peu. Ça relie les choses. Oui, pâtes, ouais, les mille pâtes, c'est ça. Alors, d'ailleurs, j'ai pas vérifié comment ça vote là un petit peu. Il y a Jules à 50%. Jules, non, mais vous croyez vraiment que. Non, mais c'est bon, je me suis déjà pris une hache et dans la jambe une pioche. Le pauvre, il souffre, le pauvre Jules. Sinon, bon, vous aviez d'autres activités que vous avez fait pendant. Ouais, bah en fait, je vais rebondir sur la tienne d'anecdote. Vas-y. En fait, du coup, à être confiné, nous, avec Jules, on fait des petites soirées entre potes. Ouais. On fait oui, des... ah bah tiens. Et on fait des. Ouais, sur plateau. Et en fait, on se donne des gages. Et du coup, tout à l'heure, j'ai enregistré une recette de cuisine en tuto pour en fait l'envoyer à notre groupe de potes après. D'accord. En mode. Voilà, c'était un gage que j'ai le eu. Le gage était de faire ça en gros. C'était... Ouais, faire un tuto vidéo d'une recette. Et j'ai aussi couru 3 km chez moi. C'était un peu relou. Mais hey. Je l'ai fait. Enfin, non, j'ai couru, j'ai marché. Et surtout, on peut le dire parce qu'on peut un peu en être fier. On a eu l'idée de faire une partie de loup-garou par Skype avec tous nos potes. Et la contrainte, c'était que ceux qui perdent doivent filer 10 balles à une association. Et en fait ça s'est transformé en qu'on était 9 à jouer, tous les villageois ont perdu. Donc 7 personnes se sont retrouvées à donner 10 balles ou plus à des associations. On a eu 120 euros de dons au total en une soirée. Juste en partant d'une soirée entre potes. Et bah c'est une super chose. Cool. Ouais, c'est vraiment heureusement qu'on était bourrés hein, parce que sinon. T'es très content. Non, mais ça a donné gars, un petit peu pour l'écologie, un petit peu pour les enfants sénégalais, un petit peu pour les animaux. Enfin voilà, il y a eu ouais, c'est vrai, c'était cool. Et j'ai l'impression que ça a fait plaisir à tout le monde en plus. Donc ouais, c'est ça. Si ouais. Ça peut, non, mais c'est une belle si initiative. Ça peut, ouais. Voilà, si ça peut refiler l'initiative dans le futur, c'est cool. Voilà. On en revient à nos super sondages qui s'est terminé. Donc, qui a eu un genre de 1000 pattes coincées dans l'urètre ? C'est Jules en première position à 50% pour les gens du chat. Benjamin en seconde position avec 33%. Et je suis en dernière position avec 17%. Non, mais sérieux, vous avez quoi dans le chat ? Pourquoi c'est toujours moi ? Et je pisse sur ma mère et machin. Et le chat, je suis un peu plus stylé quand même. Je connais un agent secret, s'il vous plaît. C'est vrai. Bon, alors, qui se dénonce ? Ben, pas moi déjà. Pas moi non plus. Ah, non, ouais, ouais. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des marques de 1000 pattes dans l'urètre qui va. Non mais voilà, les gars, Tahiti c'est autre chose. Hein. Nous on est des guerriers, nous. Hein. On est pas. Nous vous croyez, on vit sur des matelas. Nous on est dans la jungle. Hein. Ah ouais, carrément. Sur les feuilles de coco. Non mais pour revenir à la chose. En fait j'étais en maternelle. Et puis vient l'heure de la sieste. Du jeu de la biscotte. Et du coup à la sieste je m'endors comme tout élève modèle que j'étais. Et donc en fait après je me réveille et puis je crie maîtresse. Enfin je sais plus trop comment ça s'est passé parce que j'étais en maternelle déjà. Et donc Et donc la maîtresse, elle arrive, et puis elle me dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Et puis je dis, pas calolo. Non, je dis pipi ou enfin bit, enfin je sais plus, zub, j'ai quelque chose dans mon conduire et trucs comme ça qui ont aucun rapport entre eux. Non, non. Ouais. Et du coup après, mes parents sont venus et puis en fait, ouais, j'avais un sans-pied dans l'urètre. On est allé chez le docteur qui l'a enlevé avec une pince à linge, une pince à linge. À découper. un sans-pied, t'as dit? Un sans-pied, ça s'appelle, bon, après. Un sans-pied. Ça a pas 1000 pattes, c'est un sans-pied, du coup. Ça. Et genre, c'est en plus, en fait, c'est tout petit et tout, mais c'est vénéneux aussi, tu vois. Donc, Mais ouais. Ça m'avait pas piqué, mais... pas piqué, ah, des hannetons, oui, d'ailleurs. J'ai une photo avec une chaussure à côté d'un sans-pied pour me montrer la taille du truc. Bon, alors, après, les tailles peuvent différer. Je sais pas, mais... parce qu'en vrai, quand tu tapes sans-pied, t'en as pas de... vu la taille du truc que je trouve sur Google. Là, aussi, je vois que ça fait 4 cm, je vois des trucs comme ça. Il y a une question dans le chat pour toi, Benjamin. Est-ce que tu as ressenti du plaisir à ce moment-là? J'étais jeune, il n'y avait pas encore cette notion de plaisir de sexe. Hein. c'était vraiment juste un animal et moi. Après, c'est vrai qu'il y a eu la symbiose et que j'étais vraiment. À l'époque, je voulais être vétérinaire, donc c'est vrai que j'ai ressenti. C'est depuis ce jour que j'ai voulu être vétérinaire. Ouais. L'amour Pour moi, t'es Gotrunks. Okay. T'es végétaux, t'es. Voilà, merci. C'est pareil, t'as fait une fusion. Alors, et deuxième question, est-ce que tu en ressentirais maintenant? T'es pas obligé de répondre. C'est une autre question qu'on répondra pas ce soir. Très bien. Voilà, merci. Je laisse le flou. Très très bien. On passe à notre mini thème du jour, Jules, si ça te va. Ah oui, par pitié, il fait méga chaud dans ma chambre. Il fait très très chaud. Crève de chaud. Et notre petit thème, c'est nos plaisirs coupables. Alors, peut-être que tu vas nous parler des mille pattes, du coup, Benjamin, dans tes plaisirs coupables. On verra. Pourquoi pas. Mystère. mais avant de commencer un petit peu dans nos qu'est-ce que je veux dire, nos plaisirs coupables personnels, j'ai envie de dire. Eric Nolo. Eric Nolo, tout à fait. J'ai chopé en fait sur le Facebook d'IMDb une petite liste de films qu'ils ont appelé les love it or hate it, c'est-à-dire c'est des films en fait qui sont un petit peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre l'expression. Sont plutôt aimés ou plutôt détestés, soit l'un soit vraiment l'autre, quoi. Et donc je vais vous faire la liste une par une. Je crois que j'ai 8 titres de films. Vous verrez que, et on en parle à chaque fois, et vous verrez que c'est vraiment à chaque fois des films un petit peu le cul entre deux chaises quand même. Voilà. Oui. On commence avec un cultissime, et je sais qui va le défendre. C'est Batman v Superman. Non, je vois pas qui c'est qui va le défendre. Oh, purée. Alors, qui va le défendre ici? C'est Jules, bah, évidemment. Hein, qui a le droit? qui a le droit de faire ça. Bien sûr que je le défends. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Parfait, carrément. Mais un chef-d'œuvre. Ouais, vraiment. Je le trouve. Ah ouais, je me suis trop laissé influencer par toi. Et c'est vrai que moi, je le trouve pas si dégueulasse que ça. Et... Mmh. La version longue est très bien, en fait. C'est surtout la version. Il y a des problèmes de plot hole, ce qu'on dit, des trous scénaristiques dans la version cinéma, parce que faut que ça colle au standard du ciné. Enfin, voilà, ils voient que les gens au-dessus de 2 heures quelque chose, ils vont décrocher, donc ils raccourcissent. Et du coup, c'est le scénario qui en paye le prix. Mais non, mais ça parle de géopolitique, ça parle de plein de choses, d'acceptation, je trouve ça très intelligent comme film. Et à part l'introduction de la Justice League qui est assez mal amenée, franchement, je trouve pas beaucoup de. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, la réal est vraiment cool, c'est du vrai Zack Snyder comme on l'aime. Et puis, les images sont super belles, en fait. Enfin, ça a de la gueule, quoi. Exactement. C'est ultra badass. Je suis bien d'accord. Un Batman qui aigri et tout ça, un Superman super humble. Ouais. Wonder Woman, on sait pas d'où elle sort au début, elle est mystérieuse et tout ça. Je trouve que ça marche. Lex Luthor, les gens aiment pas trop. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est peut-être le point un peu négatif du film, mais bon. Moi, il me rappelle ma calvitie après. Je sais pas si voilà. Oui. Bah tu peux considérer que tu l'aimes pas du coup. Bah écoute. Film suivant. Un génie du mal. Film suivant, ils avaient cité Sucker Punch. Est-ce que vous Human Centipede. Ah non, ça j'aime pas. non, Sucker Punch de Zack Snyder aussi, non? Si je me trompe pas. Oui, Zack Snyder aussi. Et alors lui, je l'avais vu il y a très très longtemps quand j'étais plus petit, j'avais bien aimé. Et apparemment, tout le monde dit que c'est une énorme merde, donc faudra que je le revoie un jour. Mais moi, je l'ai jamais vu, donc c'était pour si jamais quelqu'un voulait le défendre quelque part dans le chat ou ici. Je le défendrai pas parce que je pense que faudrait que je le revoie et que je trouverais sûrement ça nul aussi. Ouais, ok. Bon, toi, Benjamin, un avis sur... Je regarde l'affiche parce que je vois pas. Tu te souviens pas de ce C'est sur des filles un peu prostituées qui vont s'imaginer une espèce d'aventure, il me semble, mais je suis pas très sûr de ce que je dis, tu vois. Je crois pas que j'ai déjà eu ce film-là. Ça m'aurait tilté. C'est pas grave, de toute façon, on est pas obligé de faire un débat sur tous les films que je vais citer. Film suivant, c'est Spring Breakers. Pareil, même année 2012 en plus. Jamais vu non plus. On m'a dit que c'était pas si mal, hein. Alors voilà, c'est un film qui est un petit peu entre deux. C'est soit les gens l'aiment beaucoup, soit les gens le détestent. J'ai jamais vu non plus. C'était par contre, James Franco, m'a dit que c'était pas si mal aussi. Non, mais il est James peut-être Franco pas si mal, à voir. Ouais, ouais. Mais James Franco avec les tresses plaquées, c'est pas possible. Ah, mais oui, c'est celui-là de film où il y a James Franco avec les tresses plaquées. C'est avec Miley Cyrus, c'est avec Selena Gomez, je crois, et plein de gens comme ça. Mais oui, c'est ça. Ok, maintenant je vois. Oui, il me semble que c'est ça, tu as raison. Bien sûr que j'ai raison, attends, tu rigoles. Moi, à chaque fois, je regarde l'affiche. Juste de moi. Ouais, mais vas-y. Bien sûr. Film suivant, c'est Claude Atlas des sœurs Wachowski. Alors, ça, je. Très compliqué. en fait, il est. Alors, moi, je l'aime beaucoup personnellement, c'est pour ça que moi aussi. Je l'ai gardé. Mais je trouve même pas ça si compliqué. Enfin, à suivre, c'est plein de petites histoires et. Et après, alors, y a, je crois qu'il y a un fil rouge et que tu peux reconstituer, mais je m'en souviens plus bien. Ouais, en fait, c'est un peu le fil rouge, je pense, qui est compliqué à reconstituer. Et parce que de toute façon, elles aiment bien faire ça, les sœurs Wachowski, c'est faire réfléchir le spectateur et tout ça. Ah ouais. Mais je le trouve complètement magnifique ce film. Et il a pas du tout vieilli. Il est de 2012 également. Et il est incroyable ce film. Il est vraiment incroyable. Moi je trouve que même les petites histoires, ça se laisse regarder. Hein. C'est un film en fait où les acteurs jouent plein de rôles dedans en fait. Ils ont en moyenne, je pense, entre 5 et 10 rôles dans le film. Et c'est bien. Tant que ça? Bah, en fait, je crois que des fois ils font des tout petits rôles, genre vraiment des films et tout. Ouais, c'est possible. En fait, ils sont à peu près dans chaque scène, quoi. Il y a plein de grands acteurs. Il y a Halle Berry, Tom Hanks, Hugh Grant, le mec qui joue Slughorn dans Harry Potter, j'oublie son nom. Il y a le méchant de Matrix aussi. Hugo Weaving. Voilà, Hugo Weaving. Et bien d'autres. Ouais, voilà. Donc, très grand film, moi, je trouve. Et la bande originale est magnifique aussi. Voilà. Ah bah je ne me rappelle plus, mais c'est dans ce film que je me suis dit que Tom Hanks et Hugh Grant étaient vraiment quand même des acteurs doués. Beau gosse. Dans ce qu'ils font. Et on a la chance qu'ils sont encore en vie. Surtout Tom Hanks qui a chopé le coronavirus et qui s'en est sorti. Donc. J'avais oublié, c'est vrai. Film suivant, et là, donc, Benjamin, ça va te permettre d'en parler. C'est le film qui est sorti très récemment qui s'appelle Uncut Gems, si je ne me trompe pas, si ça se prononce comme ça. Oh. Oula, vas-y. Bah, c'est. Waouh. Moi, en vrai, j'ai. Franchement, j'ai été transporté par ce film. Ah ouais? Ouais, franchement, en fait, il te raconte une histoire, mais sans pause, en fait, et t'es tout le temps. T'es à 100 à l'heure pendant tout le film, et c'est moi, haletant. J'adore l'adrénaline. Parce que je fais du longboard. On rappelle que je fais du longboard. L'appréciation, l'appréciation. T'as pas un podcast pour ça, pour faire du longboard? L'après-sèche, d'ailleurs, APR pour un sèche sur Instagram. Ah ouais, bien sûr. Non, mais vraiment, t'es happé par le film et t'as envie de savoir ce qui se passe. Et c'est à la fin du film, t'es en sueur, t'es vraiment t'es dedans. Et je suis dégoûté de l'avoir vu en deux fois parce qu'en fait, moi je travaille aussi du matin donc je me couche très tôt. Je travaille à 5h et du coup, je me couche vers 19h et je l'avais regardé avant de me coucher. Et en fait, du coup, je m'étais arrêté parce que j'étais tellement à fond dedans que j'avais fait pause et j'étais allé me coucher. Et parce que sinon je pouvais pas dormir quoi. Vraiment il est exaltant et à la fin ça s'arrête pas et t'as une bonne dynamique dans le film. Et après l'histoire en elle-même sympa, mais c'est vraiment comment c'est raconté et tout. C'est la mise en scène, c'est le rythme du rythme du récit et tout ça. Le rythme est fou. Bah, et alors, Love It or Hate It, je sais pas, moi tout le monde m'a dit que c'était de la frappe justement, Uncut Gems. C'était trop bien. Apparemment, il y a quand même de la critique un petit peu. Alors, peut-être pas autant que d'autres films, mais en tout cas, il a un petit peu partagé certains spectateurs, a priori. Ce que j'en ai entendu en tout cas. Et on peut le voir sur Netflix juste pour terminer. Il est sur Netflix. On enchaîne avec le suivant, il m'en reste pas beaucoup, et c'était pour vous lancer un petit peu sur des trucs. C'est le film, alors moi je l'ai pas vu personnellement, c'est The Neon Demon. The Néon Démon. Ah, j'ai entendu. Bah, alors là, pour le coup, d'accord, j'ai entendu que c'était soit très très bien, soit de la grosse merde. Ouais, voilà, c'est ça, ça partage vraiment beaucoup. Est-ce que quelqu'un l'a vu par là? C'est un film, je crois, de Nicolas Winding Refn, le mec qui a fait Drive. Exactement, voilà. Alors moi, je l'ai sûrement pas aimé du coup. Ouais, on sait que tu l'aimes pas, ce mec. Non, j'aime pas Drive. c'est tout. Voilà, moi j'en ai pareil, j'en ai entendu un peu du bien, j'en ai entendu du moins bien, donc bon, voilà, c'est un film qui divise. Vous l'avez pas vu, Wifi? Personne? Non, moi je l'ai pas vu, par contre je vois sur la fiche là, j'ai l'impression que c'est à base d'actrices qui se ressemblent. Ah! Parce que là je vois deux actrices et elles ont l'air de se ressembler beaucoup, et à mon avis le film joue sur ça. Okay. Ah, il y a Keanu Reeves dedans. Ah bah alors attends, raison de plus. Allez, on va le regarder. C'est parti, on le regarde maintenant. Hop, on fait une petite session. Bon visionnage, je vous prends le micro. S'il vous plaît. Film suivant, c'est le film Prometheus. Sorti aussi en 2012. Ah bah, plutôt quelle détesté que aimé, je trouve. Il est beaucoup détesté, mais je sais. Alors, il est plus détesté que aimé, je crois, mais ça divise quand même. Il y en a qui le défendent quand même. Et... Alors, moi, je l'ai vraiment pas aimé du tout. Je trouvais nul à chier. Même si je peux me permettre. Moi, je le défends pas, mais je m'en fous. Ok, tu vois, ouais, pareil. J'en suis là. En fait, vu que j'ai pas vu les aliens avant, du coup, j'étais en mode, ah, oh, ça va, c'est cool. Ok. C'est quand même un peu n'importe quoi, ce film, mais bon. Est-ce que t'as vu les aliens maintenant? Oui. Tous? Coup, les 4? Non, le 1. Ok. Ah... C'est déjà pas mal. Ouais, mais bon. Je trouve que c'est vraiment une quadrilogie folle. Enfin, genre, en plus, chaque alien est spécial. Et, enfin, regarde-les, quoi. C'est une très bonne saga, bien sûr. Mais horreur, action, on ne conseille pas la suite de la saga Prometheus et Alien. Et on ne conseille pas au moins 10 ans aussi. De quoi? On le déconseille en 10 ans, il a dit. Oui, ah oui, par contre, on conseille La Précession, un podcast de Benjamin Ardaillé sur le longboard. Un petit logo, Clément? Ouais, voilà, il est là. Hop là. Ah, c'est bon, ouais, moi je suis en retard. Ouais, bah oui. Bon, moi je fais plus rien, continuez, hein, ça va. Bah, c'est le contraire. On peut même plus faire de promo ici, putain. Et dernier film de la liste, c'était Lucie de Luc Besson. Alors là, lui, voilà, très partagé ce film. Ouais, je l'ai pas trop aimé, mais un peu pareil, j'en branle. Ouais, moi je pas trop aimé. J'ai apprécié. Moi, c'est un peu comme là avec Luc Besson, je m'en branle en fait un peu. Ça m'énerve. Je me suis dit, ouais, bon, il y avait. Est-ce que tu t'en branles de ces films ou tu t'en branles de Luc Besson? Enfin, tu vois, genre. Non, en fait, je le considère pas comme un très bon réal. à part, en fait, pour le cinquième élément. Mais pour ce qu'il a fait depuis Lucie et tout ce qui s'ensuit, Valérian et compagnie, je trouve que maintenant, il se contente de refaire ce qu'il faisait déjà. Et de reprendre son style comme il avait fait avec Nikita et compagnie, quoi. Qui était très bien, mais le problème, d'ailleurs, c'est il a fait Anna, non c'est ouais, il a refait la même chose avec Anna, ouais. Donc, moi, Luc Besson, j'adore le cinquième élément. Je surkiffe le cinquième élément. J'avais bien aimé Léon, et je crois que c'est à peu près tout. Si, Arthur et les Minimoys, j'ai trouvé ça vachement cool. C'est vrai qu'Arthur et les Minimoys, j'aimais bien aussi, ouais. Ben, j'avais lu les livres en plus. Donc, voilà, il y a ça et le reste, pas tant, de ce que j'ai vu. Ouais, et je sais que. J'ai pas vu Nikita, j'ai pas vu Valérian. Léo Riemann, qui était venu dans le saison 2, épisode 1 de Powercast, aimait beaucoup. Non, saison 1, épisode 2. L'épisode 2 ? Non, oui, épisode 1, épisode 1. Ah oui, mais il a fait les deux. Eh bah oui, et alors ? Il a fait un podcast et son inverse, alors. Et il avait dit qu'il aimait beaucoup ce film Lucie. Voilà. Ah ouais, bah faudra qu'il revienne pour expliquer. Et bah, moi-même que je le revois. Que tu réécoutes cet épisode comme ceux qui veulent savoir pourquoi il l'avait aimé, son point de vue qui le défend. Ah, il l'explique. Ouais, il l'explique. Vous les films alors les gars que et alors vous aussi dans le chat, je vous invite à citer des films un peu plaisir coupable. On va vous donner un peu nos exemples à nous qu'on aime et que la critique souvent ne défend pas, la critique populaire en tout cas n'aime pas. Toi, Benjamin, on va commencer par toi. Ça serait quoi ton film un peu plaisir coupable? Alors, en fait, moi, c'en est un, mais je sais pas en fait si tout le monde le déteste ou n'aime pas. Vas-y, n'hésite pas à le dire. C'est vrai. En fait, c'est Titanic. C'est un Disney, bon, c'est la planète au trésor. Ah. En fait, je le trouve tellement surcoté que je me dis qu'en fait, ouais, il a pas trouvé sa place là où il aurait dû. Il est sous-coté. Moi, je considère que c'est un film sous-coté, ouais. Moi, ouais, complètement. Sous-coté, t'as dit sur-coté. Et ben, j'entends ça souvent que La Planète au Trésor est sous-coté. Et ça, et Atlantide aussi. Le mystère de l'Atlantide, ouais. c'est les deux dessins animés dont on parle jamais. Ouais. Et t'as ramé le chaudron magique aussi. Ton film Plaisir Coupable, Jules, ou tes films Plaisir Coupable, ce serait quoi, Jules ? Eh ben, écoute, il y en a un qui m'a popé directement en tête, c'est Green Lantern, parce que bon, moi j'adore Green Lantern, et en fait, quand je l'ai vu, je me... Eh ouais, on le sait jamais, on sait pas. Quand j'ai vu le film, je me suis pas dit, oh putain, ils ont chié sur l'exemple, je me suis dit, enfin des effets spéciaux avec Green Lantern, tu vois. Rien que ça, j'étais content. Et je veux dire, ah, il peut quand même modéliser des trucs et tout. Alors, ça. Est-ce qu'on parle de l'effet spécial de son masque? Oui, non, bah ça c'est vrai, c'est vrai qu'avec le recul c'est dégueulasse, mais ouais. Je te jure que quand c'est sorti, où je me disais pas, oh putain, c'est de la merde et tout, j'étais content, mais après c'est vrai que bon, je l'avais revu, j'ai dû le voir 4 fois en tout, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et c'est vrai que ça a aucun sens, l'histoire n'a aucun sens par contre. Ouais. Je l'avais vu une fois et puis je m'étais dit, ouais, c'est pas fou, et tu m'avais dit que ouais, toi tu aimais bien, et du coup je l'avais regardé et j'étais en mode, ouais, non, franchement, gros, c'est pas fou. Hein. Ouais, ouais, non, mais je reconnais qu'objectivement ça va pas, hein. Il y a un problème de rythme, il y a un problème de scénario, il y a plein de problèmes d'effets spéciaux aussi. Et toujours Ryan Reynolds qui fait encore un personnage drôle, c'est bon, un super héros drôle, ça va. Mais c'est quand même typiquement une sorte de plaisir coupable en fait, t'aimes bien le regarder parce qu'il est fun ou tu... Bah, j'aime bien le regarder parce que c'est Green Lantern. Ouais, voilà, ouais. Okay. Tu c'est vois, c'est seul, genre. C'est le seul film Green Lantern d'ailleurs. C'est vraiment le seul film Green Lantern. En live action, c'est le seul. Ouais, voilà, c'est pour ça aussi. Tu peux te contenter. Et puis après, que de ça. J'ai vu certaines de tes réponses et ça m'a poussé à me dire que j'aimais bien Daredevil aussi. Tu vois, je me disais, bah en vrai, Daredevil, il est marrant, le tireur et tout, c'est marrant. Et Ben Affleck allait bien dedans, je trouve. Après, il y a des trucs débiles, mais je l'aime bien aussi. En fait, c'est des films de mon enfance aussi, c'est pour ça. On les surcote. Bah en fait ouais, c'est un peu comme moi la réponse que j'allais donner qui est les 4 fantastiques, l'ancien du coup le première génération on va dire. Avec Chris Evans. Avec Chris Evans en torche humaine que en vrai j'aime bien, enfin c'est un film bah pareil de ma jeunesse quoi et c'est vrai qu'il a pas mal de défauts quand tu le revois maintenant mais il était fun et c'était ça marchait dans cette époque-là en fait. Et maintenant c'est sûr que ça marcherait pas un film comme ça mais à l'époque c'était grave ça quoi. C'est beaucoup mieux que le film de 94 je crois. Ouais. Qui est nul à chier, une très vieille version. C'est vrai que j'ai dit première génération mais c'était pas la première génération. C'est même pas la première ouais. Il a été souvent rebooté n'empêche. Et on peut dire un truc pour ce film, c'est que quand même le costume de la chose était pas mal je trouve. Enfin c'était mais oui, vraiment réaliste ouais, alors que c'est du vrai quoi. Bah presque je le trouvais mieux que la version qu'ils ont fait plus récemment de la chose. Je me souviens plus un caillou. Ouais, bah ouais, c'est vrai que c'est un bon golem. Non, c'est bien fait quand même, ça va. Oui, je vois le truc. Celui avec le surfeur d'argent, moi je le trouve vraiment, vraiment bien. J'aime beaucoup. Ouais, le surfeur d'argent est très bien dedans, je trouve. Ouais, en fait c'est toute la partie surfeur d'argent que j'aime bien. Ouais, c'est vraiment très cool. C'est exactement comme il fallait le faire. Après, le reste. Et c'est Laurence Fishburne qui le joue, je crois. Qui fait la voix, ouais. Et Galactus, par contre, c'était vraiment. Nul. Bah, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire, Galactus? Tu veux pas faire un mec debout géant avec et son ben, franchement, j'arrête pas de voir des gens qui disent pour le MCU que ce qui serait trop bien, ce serait que le nouveau grand méchant, ça soit Galactus et qu'il soit un vrai gars géant qui mange des planètes et qu'il soit debout dans l'espace. Bah, peut-être avec le MCU et le délire Gardien de la Galaxie, ils peuvent se le permettre, mais ça en serait fait, trop drôle. À l'époque, ça pouvait pas trop, je trouve. Je sais pas, ouais. Et moi, mon deuxième film plaisir coupable que j'avais noté et que j'avais déjà cité dans, je le redis, le Powercast saison 2 épisode 1 où on traitait des films qui d'ailleurs, c'était ça le titre, c'est Le Roi Arthur de Guy Ritchie que j'aime vraiment beaucoup, qui a été beaucoup critiqué, je comprends pas pourquoi. Moi non et plus. Et à l'époque du Powercast, on en avait parlé, on comprenait pas pourquoi avec les invités et même toi, Jules. C'est un, je trouve super beau le film, j'adore la bande originale. Je trouve que ce qu'aurait pu faire Guy Ritchie en tant que saga, ça aurait été génial et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu le succès qu'il méritait, puisque du coup il n'y aura jamais les scènes d'action, elles étaient malades. Ouais. Non mais les chorégraphies de combat et tout. Il y a un côté trop... des Dark Souls en plus, enfin, tu sais, en mode, surtout les à la combats fin. De boss, ouais, combats de boss et tout, ouais, tout était vraiment charmé. Ouais, c'était très très stylé. Après bon, voilà, il y a quelques problèmes de scénario forcément et bon bah voilà après ouais, c'était dommage ouais, c'était doté d'un lore qui tu le sentais ça pouvait s'enrichir encore et ça le fera pas. Alors, bah, c'est ça en fait, c'est peut-être ça le souci aussi, c'est qu'il avait il cachait certaines choses qu'il voulait un peu dévoiler dans la suite et du coup ça faisait des mystères mais pas expliqués, du coup le scénario était un peu bancal là-dessus et c'est ça peut-être qui a causé j'avais sa même perte. Pas relevé moi en vrai, j'avais vraiment profité du film. Ah ouais, mais moi aussi j'avais adoré. Grand spectacle, magnifique. Ouais. Voilà pour ce qui est des films. T'en avais un autre, toi, Benjamin, qui te venait en tête? Bah non, après, c'est vrai que tout ce qu'on dit, ça me fait penser à vraiment des films qu'on a vus quand on était jeunes et du coup qu'on surclasse après. Bah c'est souvent pareil, le surfeur d'argent. En vrai, tu viens de me dire, en fait, ouais, j'ai trouvé ça super, tu vois. Mais après, à l'époque, je l'ai pas regardé depuis, ouais, depuis super longtemps, quoi. Donc, Et c'est souvent un peu ça, les plaisirs coupables. Mmh. C'est des trucs que quand t'étais jeune, tu trouvais ça trop bien. De temps en temps, tu peux te le remater pour te faire une sorte de Madeleine de Proust, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà. J'en pense à un très vite fait. X-Men Apocalypse, tout le monde a chié dessus. Moi, je le trouvais pas si mal. Je l'ai pas encore vu. Il est sur Disney Plus, je vais me le mater. X-Men Apocalypse, tu l'as jamais vu? Ouais, moi, je le chie dessus, hein. Non, il est sorti en 2017. Oh là. Mais il est sur Disney Plus, je vais le regarder, t'inquiète pas. Détective Pikachu. Mais qu'est-ce que t'as attendu depuis 3 ans là? Santana aussi, Détective Pikachu, et c'est vrai qu'il a, il a été beaucoup critiqué. J'ai trouvé l'univers très sympa. Après, il a des. Moi j'aurais dit justement, il a très bien marché, moi. Bah ouais, c'est ça, moi aussi. Moi, je il non, il a eu beaucoup de critiques, hein, quand même. Ah ouais, bah, ah ouais, ouais, ouais. Je trouve qu'il a fait très bien avec ce qu'il avait. Ouais, ouais, non, mais c'est un très bel univers qu'ils ont essayé de. Enfin, oula. Ils ont essayé de créer un univers réaliste et ça marchait. C'est cool. Ouais, ils ont fait un peu les deux, un peu Pokémon, un peu réaliste et ça marche. Franchement, ouais. Sinon, juste un scénario niveau, à chier. Au niveau série, un peu plaisir coupable. Moi, j'avais. Alors, je le dis maintenant comme ça s'enchaîne. J'avais la série Fais pas ci, fais pas ça. Que, en vrai, j'aime bien mater de temps en temps. C'est vraiment c'est un vraiment plaisir une série coupable. De tonton, ça. Je trouve ça drôle, je trouve les personnages rigolos et bien joués. En vrai, j'aime beaucoup Bruno Salomon de base, donc je trouve que c'est cool. C'est vraiment une sorte de truc frais à regarder quand ça passe en rediff et trucs comme ça. Ça me dérange pas d'y regarder, en tout cas. Et ça, enfin, comparé aux autres séries françaises qui passent souvent à la télé, je trouve que celle-là a beaucoup de qualité, voilà, en termes d'écriture. Très bien. Et voilà, moi, j'avais... J'avais moi c'est pas vraiment une série, c'est un animé que à chaque fois que j'en ai parlé beaucoup de gens m'ont dit ah ouais d'accord bon alors putain il y a des gens qui regardent ça je comprends pas franchement c'est ah ouais Naruto j'ai tout regardé là et il y a un mec vraiment qui m'a dit moi que des gens regardent Naruto ça me dépasse. Ah ouais. J'ai fait ouais bon d'accord ouais, super. Il avait 60 ans mais sinon... et c'est vrai et c'est non mais c'est vrai que ça a plein de défauts Naruto mais ça a aussi plein de qualités et c'est très riche, c'est un univers très riche et c'est plein de personnages cool et de trucs trop stylés. Malheureusement une fin un peu décousue et trop longue je trouve mais ça m'aura quand même pris 8 mois de ma vie à tout regarder là et que la version Shippuden en plus donc que la suite. Ah ouais. Et j'ai kiffé. Mais il me semble pas que ça soit très critiqué quand même Naruto. Ouais, et bah dans les dans, en vrai, dans c'est les amateurs le d'anime ouais ouais grave. Shonen type, c'est le bébé de Shonen enfin c'est avec Dragon Ball Z, quoi. c'est la base quoi, c'est ouais, t'as ça One Piece DBZ et c'est quand même ouais, c'est les trois des plus connus. Et ouais non mais plein de gens détestent parce qu'ils trouvent ça débile, je sais pas pourquoi. On nous cite Plus belle la vie dans le chat, c'est NSB Kevin, sûrement Kevin, j'imagine, qui nous cite Plus belle la vie. J'ai jamais regardé, j'en sais rien. J'ai plus l'impression. Lui squatté en plus. Hein. C'est pas très bien joué, mais après, en vrai, c'est ce genre de plaisir coupable. C'est que tu le regardes ouais. Parce que ça te fait justement soit une Madeleine de Proust, soit. Bah, je pense une fois que t'es investi un peu dedans, t'as envie de savoir ce qui va se passer. Ouais, voilà, je pense que je suis d'accord. Moi, ma série, c'est Léo Lulu, Les jours de confinement. C'est quoi ça? Léo Lulu, vous connaissez pas Léo Lulu? C'est quoi non. Léo Lulu? Léo Lulu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, en Léo fait Lulu. C'est une chaîne Pornhub, Léo Lulu. Et en fait, ils font des jours. Je suis en train de taper sur YouTube là. Du coup. Ah oui, d'accord. Ah bah non, je viens de taper. Bah, j'ai eu un résultat. Voilà, ils ont fait 2-3 vidéos pendant le confinement et tout, c'est sympa à suivre. Il y a une bonne dynamique, les prestateurs sont vraiment dedans dans l'action. Donc attends, c'est des acteurs des de Pornhub qui ont une série YouTube, c'est ça? Ouais, c'est ça, de confinement, de confinement. Ok. Bah, ah non. Ouais. Ok. Mais c'est très coupable, hein, je me sens sale après. Hein. Ah ok, ah oui, d'accord. Ah ouais, 12 minutes 5 en HD, 3 millions de vues. Bon. Ouais, donc c'est des performeurs, hein. C'est vrai, c'est une vraie performance là. Alors pour revenir sur Naruto, il y a Markcroft qui nous dit que Naruto en animé est pollué par de nombreux épisodes filler, donc c'est les épisodes ouais, de remplissage en gros. Ouais. Mieux vaut lire le manga, c'est un conseil de Markcroft. Moi ça m'a fait décrocher justement parce que à la fin là putain il parle ouais c'est clair ans, c'est clair tu te retapes que des retours dans le passé t'es en mode ah, là, ouais. On s'en branle là c'est bon on va voir la fin là et c'est en fait moi on m'a expliqué bah alors après avoir les sources hein, que en fait quand tu fais un animé souvent c'est pas très rentable pour la somme qui est investie du coup ils sont obligés de faire des épisodes filler pour sortir plus d'épisodes et que ils aient plus de temps et que les gens dépensent plus d'argent et machin quoi ils font des épisodes un peu sert à rien et voilà. Okay. Ils sont obligés. Mais je suis bien d'accord, c'est vraiment pollué. Et Hunter x Hunter a l'avantage de ne pas être trop comme ça. C'est vrai. Ça va un peu plus droit au but. Et Parasite aussi. Parasite. Parasite, ouais. La série qui s'appelle Parasite. Ouais, sur Netflix. Ok. Un anime. D'accord. Ah ouais, ok. Et bah alors, on a le film Parasite, la série des Parasites, l'effondrement. Ah ouais. Et puis maintenant ça, on va plus s'y retrouver. Et Benjamin qui a un parasite dans l'urètre. Bon, c'est bon. On va pas s'en sortir. C'est la soirée des Parasites. Hein. On enchaîne avec les musiques un peu plaisir coupable. Vous avez quoi, vous, les gars? Ouais. Vous écoutez quoi, des fois, pour... Moi, j'ai Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran qui est dans ma playlist, ouais, qui passe de temps en temps, parce qu'il y a un petit, voilà... Ah, c'est un bon plaisir coupable, ça, en vrai. Ah, mais en vrai, c'est parce que c'est la musique du Hobbit, et voilà, mais sinon... Ah, oui. Voilà. Mais, ouais, et puis il y en a deux, trois, voilà, que je me fais avoir. C'est, voilà, c'est le marketing qui m'a eu, quoi. Ça te prend au trip. Oh là là, des fois, c'est terrible. T'es là, tu marches, tu te sens un petit peu lover, et puis c'est parti, quoi. Je me sens plus sale après avoir écouté une musique de Ed Sheeran que Léo Lulu, hein. Après Léo Lulu. Hein. Ah oui. Okay. Léo Lulu qui ont fait la bande-annonce du Hobbit, d'ailleurs, je crois. Non, le double Hobbit. Bien sûr. Hobbit. Allez. Allez, Jules, toi, ça serait quoi ta musique plaisir coupable? J'en ai deux, alors j'ai une chanson et un album. La première, c'est la chanson, c'est Katy Perry, Dark Horse. Je trouve que cette chanson... enfin, en fait, moi, je suis souvent du genre à tailler certaines musiques et machin, parce que c'est pas très recherché. Et celle-là, je trouve qu'elle est... Mais comme pas mal de trucs que fait Katy Perry, en vrai, je trouve qu'elle est... L'air de chant marche super bien, elle est super bien construite, et le clip défonce aussi. Voilà, tout simplement. Ok, elle, pas besoin de elle reste plus, en tête. Elle a pas à rougir des autres chansons. Et en ce qui concerne l'album, c'est même plutôt un groupe, en fait, plus généralement, c'est le groupe Dionysos, qui est leadé par Mathias Malzieu, qui est passé dans la veillée d'ailleurs. Et Dionysos, c'est leur album La mécanique du cœur, plus particulièrement, qui a été adapté en film d'ailleurs. Ouais. C'est une histoire un petit peu burtonesque d'un enfant qui est né avec une horloge à la place du cœur. Et tout l'album raconte son histoire. Et ça a beau être. Je trouve qu'en termes de flow et de métaphore, des fois ça va trop loin pour moi. Ouais, je suis d'accord. Je veux dire que les métaphores souvent veulent rien dire, je trouve. C'est un peu ce qu'il souligne dans Dionysos, ouais. Voilà, et bah moi aussi, mais le reste l'emporte, tu vas voir. Et je trouve aussi qu'il a un flow où tu sens que des fois il essaie de caler des phrases qui rentrent pas du tout dans une mesure, tu vois, dans un temps donné. Mais c'est quand même tout ça est bercé dans un univers qui est trop cool, je trouve, avec des instrus et des thèmes qui sont magiques, je trouve, tout simplement. Et certaines chansons sont vraiment magnifiques. Et en fait, c'est un peu plaisir coupable parce que c'est très mignon et c'est des trucs d'histoire d'amour et machin. Ou alors que toi, t'es un bonhomme de base. Bah alors que j'adore la queue. Ah, quoi ? Ah, ça a coupé, hein, je crois. Alors ah, moi, ça a coupé, ça a coupé. Ma musique alors... plaisir coupable, ça serait... en vrai, en fait, c'est l'artiste Calogero. Alors voilà, je sais que ça fait rire quand on dit juste le mot déconnecte. Calogero. Ça dégage. Mais c'est un artiste que j'aime bien écouter de temps en temps. Hein. Je l'écoute vraiment pas tout le temps. Il assume pas, non, je rigole. En vrai, je suis même allé le voir en concert. C'est pour. C'est un plaisir coupable. Mais en vrai, alors ces musiques commerciales, j'aime pas forcément. Mais dans ses albums, il a beaucoup de musiques qui sont assez rock. Et qui sont très bien écrites. Et j'aime pas mal, ouais, son style de. En tout cas, musical. Après, au niveau des paroles, c'est un peu comme avec Jack et Amy. Avec Dionysos, pardon. Mmh. Les paroles me saoulent un peu. C'est ce que j'aime pas chez Dionysos aussi. Ouais. Parce que c'est à base de, voilà, de métaphores, de trucs un peu cucu. Mais franchement. Ouais. Bah, il a des bonnes instrus des fois. C'est alors ça. Clément, si je te fais. Là, je suis pas. En Mélodica. Apesanteur. Ah, c'est en apesanteur, ah, d'accord. Voilà. Putain, je l'avais pas reconnu. Pendant que tu parlais, j'avais coupé mon micro pour tester les bonnes notes. Ah, c'est pour ça. Voilà. Putain, trop fort. Bravo. Ah, ouais. Oh, je me suis régalé. Bon, je pense que tout le monde s'est régalé, les 12 personnes qui sont là. Non, mais voilà, juste pour finir, je veux pas. Je force personne à l'écouter ni rien, c'est que. Il a des très bons musiciens et notamment en concert, c'est très puissant ce qu'il joue. Il a un très bon batteur, le guitariste aussi, guitariste soliste, très très bon. Voilà, c'est un peu dommage que la réputation un peu qu'a le Géraud de pas très aimé entache un peu la qualité justement musicale de ce qu'il fait et ce qu'il écrit. Voilà, parce que c'est franchement pas si mal, hein. Pour de la musique française, voilà. Après, comparé à des artistes comme System of a Down, tu vois, que j'écoute plus souvent, ou comme Ghost, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais voilà, de temps en temps, un petit Calogero, ça me fait pas de mal. Voilà, je l'ai dit, c'est passé. Tu peux souffler. J'étais en sueur. Ça fait beaucoup d'informations à la seconde. Ouais, désolé Benjamin. Je digère. On était sur une bonne lignée tous les deux. On était en train de se rapprocher, Benjamin. Et là, ouais, ça a tout brisé. C'est foutu là. J'ai senti qu'à l'urètre, déjà, ça commençait un peu à. Ah ouais, on était sur deux chemins opposés. Et puis là. De toute façon, moi, je veux pas me rapprocher de toi. C'est plus de Jules que je. Ah, voilà. Ouais, alors. On en parle juste après. Concernant les jeux vidéo un peu plaisir coupable. Alors, moi, j'avais juste. Bon, c'était vite rapide. Je savais pas si c'était vraiment un plaisir coupable. Mais j'aime bien de temps en temps jouer aux Sims. Ça me rappelle un peu. T'es une fille. Non, mais oh, c'est pas quand même. Non, mais j'y ai joué aussi longtemps. Mais voilà, j'y ai joué quand j'étais gosse et j'aime bien jouer au Sims 4 aussi, qui est vraiment cool, très bien fait. Et puis, ouais, c'est que ça fait pas full gamer quoi, mais c'est très bien. Mais ça passe le temps, franchement, c'est cool. C'est un jeu de gestion, ça marche très bien. Voilà. Un jeu de simulation de vie. Mais je crois que vous, les gars, vous aviez plus d'exemples pour les jeux, donc je vous laisse la parole. Alors, moi j'avais Peggle. Le jeu Peggle, c'est un jeu de. Comment dire ? C'est un jeu de Pog en fait, en quelque sorte. Ah. Tu balances une balle, elle va rebondir sur des espèces de petits Pog, et tu dois les taper, amasser le plus de points possible, et il y a des meilleurs coups, des coups plus astucieux à faire que d'autres. Et en fait, ce qui fait que c'est un peu que c'est pas le premier jeu que je sors de ma besace, c'est que c'est dans un univers avec une citrouille qui te parle et où une licorne en peignoir et ça se veut tout mignon, il y a des arcs-en-ciel machin. D'accord, et un c'est peu pour comme ça, mais c'est formidable. Comme Candy Crush, Peggle et Peggle 2. Comme ça, quoi. Les trucs un peu... Bah ouais, un petit peu en ce genre, ouais. Et c'est génial, ça ne coûte pas très cher et ça passe très bien le temps. Et le deuxième, c'était Cooking Mama, en l'occurrence le 2, sur DS, que j'avais squatté Maras et que j'adorais. Et qui était un jeu orienté fille, mais on est en 2020, alors voilà. Les identités de genre, Mama. C'est bon. Bah, voilà, ouais, c'est bon. C'est cool la cuisine. C'est pas vos diktats de hein? Bon, merde. Ouais, moi j'avais Little Big Planet. Ah mais ça. Bah, ça après. C'est un plaisir coupable. C'est ouais. Un bon tu jeu. Vois, du coup, putain, c'est ça. Ça déglingue. Ah, bah, ouais, ça. Attends, c'est trop bien. Forme, ouais. Super. C'est tellement ouais, personnalisable. Ouais, même si. Enfin, j'ai toujours cherché du coup à un peu avoir le même style de jeu. J'ai jamais retrouvé. Là, j'ai acheté Dreams. En fait, y a rien à voir. Que j'aime bien aussi, ouais. Mais ouais, ça c'est vraiment fou. Oui, d'ailleurs, on parle de Mario Maker, mais en plateforme personnalisable, il y avait aussi ouais, Little Big Planet avec plein de concepts, il me semble. Non, c'était vraiment sympa. Mario Maker n'a rien inventé. Le coop était fou, quoi. Ouais, ouais. C'est pas votre portal, c'est mes couilles. Ah, alors. Ouais, quoi, ouais. Oh, ça va, hein. Oh. Ok. T'avais un autre jeu vidéo, plaisir coupable ou pas? Non, par contre, j'ai un autre sujet, c'est un. Moi, j'ai un Reddit coupable. Ah. Vas-y. Genre, que ça. J'ai un. En fait, je zone dessus, mais des heures maintenant. Et en fait, c'est un No Safe for Work. Du coup, c'est le truc un peu. Voilà. Mais toujours dans la même lignée, moi. Tout ce qui est cul et tout, j'adore. Ouais. Et en fait, c'est No Safe for Work funny. Et en fait, t'as les scènes. No Safe for Work quoi? Funny. Drôle. Ok, drôle. Ouais. Ouais. Et en fait, t'as les scènes de cul. Et en fait, c'est vraiment que des trucs drôles. Et en fait, il y a des actions, et tu te dis, mais comment c'est possible? Il y a un moment, genre, il y a des mecs qui sont sur la plage, enfin, qui font ce qu'ils ont à faire, ouais. Et il y a un mec qui arrive en arrière-plan et qui prend une photo avec eux en mode, ça va être cool, et puis il se barre, tu vois. Genre, ah, bah oui, ça, bah oui, bah. Ah, ce genre, tu m'en as envoyé des belles. Truc. Trop bien. Et il y en a plein, et c'est un subreddit, c'est fou. Ouais, ça, c'est le truc, tu le regardes trop, et puis après, par contre, quand t'es avec une meuf, tu fais, ouais, non, et moi, c'est ça. Tu veux trop pas qu'elle voit, tu sais. Tu veux trop pas qu'elle voit que t'es un mec qui aime bien les blagues de cul. Et... Mais je connaissais pas celui-là et j'irai jeter un œil, ça doit être. Ouais, ah bah oui, va voir. Je pourrais te lâcher des liens si tu veux. Ok, bah avec plaisir, on en reparle. Clément, après. Je vois qu'on est à 1h30 de podcast. Est-ce qu'on sauterait pas le troisième jeu? Écoute, c'est une bonne idée, je pense que oui. On va terminer avec le jeu qui va suivre là. Et pour coller aux autres Power Bunker Cast. Tu as raison et je garderai celui-là, ce jeu pour une autre fois. Une surprise. Et ce jeu, alors, c'est un jeu qui va nous permettre de... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de l'émission, il y a une petite rivalité entre Benjamin et moi concernant qui est le meilleur ami de Jules. Et c'est un jeu qui va nous permettre de savoir lequel d'entre nous c'est. Alors, même si on sait très bien, et vous le savez très bien, vous, dans le chat, les amis, on sait bien qui est vraiment le meilleur ami de Jules. Bah, c'est Dieu. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire contre Dieu? Ah bon, je savais pas, je pensais à quelqu'un d'autre, bah, quelqu'un qui est, ouais, qui est actuellement blond, en train de parler dans le... Enfin voilà. Okay. Voilà, bon, on sait qui c'est, enfin, mais bon, on va quand même jouer le jeu. Benjamin, je te propose qu'on joue. On va l'affirmer. Voilà, on va le prouver en quelque sorte. Ouais. Mais c'est pour rigoler, de toute façon. Peu importe les résultats, tout le monde le sait, au final. Ce jeu, Jules, pour déterminer donc qui est ton meilleur ami, Jules, je te laisse expliquer le principe de ce jeu qui est tiré d'un autre podcast. Comme d'habitude, on plagie complètement tous les podcasts. Oui, on plagie. Non, mais ça va dans les deux sens, donc ça va. On a fait certains jeux avant, les comptes sont bons, et puis de toute façon, c'est pas un concours, hein. Non, pas du tout. C'est une... Je regardais Un Bon Moment, tout simplement, l'autre jour. Il faisait un jeu de la complicité, et on s'est dit, en fait, de toute façon... Benjamin est là, c'est un de mes amis. Clément est là, c'est un de mes amis. Quel meilleur moment pour faire le jeu de la complicité qu'avec cet invité-là. Donc tout simplement, un mot va être énoncé. Non, alors il ne sera pas énoncé. Il va être pioché. Non, voilà. Il va être pioché, pardon. Il va être donné à l'un de vous. Voilà. Je ne sais pas lequel sera en premier. Et cette personne, disons Clément, puisque c'est mon meilleur... Voilà, merci. Enfin, non, mais c'est un pote, je veux dire. Ou Benjamin. Qui est aussi un pote, c'est un pote un peu plus gradé. On verra. C'est le jeu qui en décidera de toute façon. Oui, bien et sûr. Non, mais ça reste un jeu, Jules, de toute façon, peu importe la résultat. Voilà, et voilà, cette personne, Clément ou Benjamin, pour prouver qu'il est mon meilleur ami, devra me faire deviner ce mot en utilisant des chemins un petit peu private joke, tu vois, en utilisant des références qu'on connaît, tu vois. Voilà. Juste lui et moi. Sans que l'autre ne puisse le deviner, en gros. Parce que c'est ça, en fait. Par exemple, si moi je dois faire deviner un mot à toi, Jules, forcément, Benjamin ne le connaît pas, ce mot, et va tenter quand même de deviner le mot. Mais moi, comme je vais passer par des chemins de traverse de private joke, normalement, il ne devrait pas deviner. Mais voilà, c'est à peu près le principe. Vous allez comprendre pendant qu'on joue, de toute façon, c'est très très simple. Et alors, oui. Le petit vice qu'il y a par rapport à Un Bon Moment, c'est que nous on a un chat, donc peut-être que je vais devoir vous demander de ne pas regarder le chat, et au bout d'un moment, si vous trouvez pas, enfin c'est moi qui vais pas regarder le chat, et voilà quoi. Ouais. Et Benjamin non plus. Si on commence, je suis l'invité, non? Ah, c'est toi qui commence, ok. L'invité, alors. Donc, je t'ai envoyé donc un site qui permet d'avoir des mots au hasard, donc je te laisse lancer le dé, je cache le chat. Je cache le chat aussi ou c'est bon? Bah non, tu t'en fous toi. Ouais, de toute façon, moi je suis sur mon bureau là. Voilà. Je n'ai pas d'écran. C'est parti, je clique machin. Est-ce que t'en as un qui te convient? J'en ai un qui me convient. Eh bien, c'est parti alors. Allez. Tu te rappelles quand on allait chez Jean? Chez qui, pardon? J'ai bien pas sûr, chez Jean, c'est un de nos potes. Chez Jean, ok. Tu t'en rappelles ou pas? Bah bien sûr. Ok. Il y avait un... On faisait le chabit dans un endroit très spécial. Est-ce que tu sais quel endroit c'est ou pas? Un jardin. Un potager. À chaque fois qu'on allait dans cet endroit, on était stressé. Un champ de blé. Parce qu'on savait, que il y en un avait salon. Là, ils allaient partir. Ou pas? Tu l'as ou pas? Attends, mais chez Jean, vraiment? Ouais. Un salon? C'est le salon? Non. Attends, mais qu'est-ce que ça peut être? Cuisine? Alors, La chambre? Non, mais... Une cave? Un chabit mais dans tu une te cave. Rappelles pas de ce qu'on quand faisait le chabit? Où est-ce que c'était? Bah, je me rappelle que j'avais toujours peur que tu m'en fasses parce que tu tapes très très fort. Et c'était où, ça? Et c'était où? À Villeurbanne. Oui, non, mais genre plus précisément. C'est dans un endroit spécial. Dans un immeuble, dans un appartement. Appartement, c'est ça? Non, le mot? Non. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Attends, pourtant tu m'en avais beaucoup si les chats. Regarde si le chat chabit. Il l'a. Ah, le chat là. Sur le lit? Sur le lit? Merci le chat. Un couloir, des toilettes, une salle de bain? Ah bah ouais, aux toilettes. Non. Oui, c'est vrai que les toilettes ne se fermaient pas et du coup on pouvait rentrer. Ouais, toi, toilette, tu l'as fait aussi, je crois. Bah c'est dans la cuisine alors, pendant que je me faisais ma non, bouffe. Mais non, mais c'est pas une pièce. C'est un endroit. Mais c'est pas une pièce, c'est un endroit, c'est la même chose. Non, tu comprends vraiment, petit. Attends, si c'est. T'as pas d'autres indications? Attends. Pour aller chez Hugo, t'en as pas besoin. Une voiture. Pour chez toi, dans tu le pourrais métro. En avoir un, mais tu n'en as pas. en skate? Non. C'est un endroit. Non, c'est un endroit. Attends, mais à part son appart, Jean. C'est pas un potager. Oui. C'est pas. Un... Et avant de rentrer à l'appart, qu'est-ce que. Ah, dans l'ascenseur! Putain, merci. C'est ça! Oh, bien joué! Mais oui! Mec, j'ai eu un flashback de Wayne nous tous dans la cage d'ascenseur. Ah, non, oh là là là là, mec, dans l'ascenseur, c'était la dinguerie. Un point pour Benjamin. Bien joué! Putain, je l'avais pas l'ascenseur. Ah, bah alors, ça, c'est exactement ce qu'il faut faire dans le jeu, c'est très bien, bravo. Voilà. C'était bien joué, vraiment cool. Vous êtes passé par de très bons chemins, bravo. Je t'ai vous voyé d'ailleurs. Ah, j'en ai un. Oh, il est bien en plus. Il est un peu facile. Jules, bonsoir. Oui, je t'écoute. Comment vas-tu? Tu peux y aller. Okay. Ça va. Et dans le cul. Tu connais mon sous-sol, du coup, de chez moi, où on enregistre cette Twingo garage émission qui est le cage à lapin. Non, attends, laisse-moi continuer. Jonas, le petit Jonasien. Donc tu tu connais la pièce dans laquelle on enregistre cette émission. Bien sûr, comme ma poche. Tu sais qu'il y a des trucs qui sont affichés au mur. Câble. Tu le sais. Poster. Encadrement. J'entends pas ce qu'il dit du coup. Il y a des trucs qui sont affichés au mur, tu le sais. Tu vois. Donc c'est Thor 2. Comment? Tableau. Peinture. Thor 2. Thor 2? Non, c'est pas Thor 2. C'est Kung Fu Panda 2. C'est. Alors, tu l'as dit, mais il y a pas Panda. Kung Fu Panda. Jules, Kung Fu Panda. Attends, bah ouais, il l'a dit, Benjamin. Bon bah, s'il l'a dit, ouais, non, mais il l'a dit avant. Ouais, tu l'avais dit avant. C'est juste Kung Fu Panda. Ah bah ça va, si j'ai dit 2, ça va. Ouais. On peut le compter, je voulais juste que tu enlèves le 2. Mais bon. Ouais, je sais pas pourquoi t'avais dit 2 d'ailleurs, mais bon. Ouais, parce bah que pareil. C'est un poster de Kung Fu Panda 2 que t'as, non? Je sais plus. Je crois que c'est le 2, c'est pas le premier. Peut-être, j'irai vérifier demain. Mais ouais, bon, ça va. Mais alors, t'entendais pas. Tu m'entendais pas parler quand. Ah, j'ai spammé, hein. Spammait de ouf. Alors, interdit de spammer. Bon, y'a un partout, on va dire qu'il y a un partout. Très bien. C'était Kung Fu Panda, ouais. Bon, elle était facile, celui-là. Je suis désolé, je suis tombé dessus. Ouais, là, j'avoue que. En vrai, j'ai cliqué qu'une fois, je suis tombé dessus, donc j'ai pas cherché à avoir un truc facile. Bon, pas de chance. On verra pour les prochains, j'essaierai de faire plus difficile. Vous en refaites un chacun et on dit que c'est. Que ça se décidera là-dessus ou qu'est-ce oui, on en fait encore un chacun, ouais. Allez. T'as le droit d'en prendre un assez facile si t'as envie. Franchement, parce que celui-là. Ouais, mais ça. Là, franchement, les trois que j'ai. Ah, bah après, ceux d'avant, là, je les ai tous devinés. Hein. Donc, vous débrouillez. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vas pas non plus donner des points. Oh, c'est bon. Bah non, je vous complimente, vous, espèce d'enculé de Taras. Oh! Tu veux qu'on staff? Tu veux qu'on staff? Fais gaffe, je fais du mélodica. On voit qui c'est, ton meilleur ami, en tout cas, c'est cool. Allez, à toi, Benjamin. Ah là. Le meilleur ami de Jules, hein. Ouais. Allez, vas-y. Évidemment. Bon, alors. On regardait une série ensemble, Jules. Hunter x Hunter, alors, bien sûr. Non, attends, non, parce que là, il va pas falloir que tu parles, en fait. Je vais d'accord. Tout te donner et tu vas la voir et ça va être je, ok. Je ferme ma on regardait une série ensemble. C'était au tout début. C'était au tout début de la série et on la regardait ensemble. C'est un. Ok, ouais, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un que t'apprécies et qui je est. Je vois, il faut que je donne son nom ou pas? Non. D'accord. Qui est d'une couleur. Qui est d'une couleur spéciale. D'accord. Tu l'as ? Ouais, je l'ai. Quoi ? Ok. Il y a un personnage qui est similaire. Vraiment similaire. Ah, d'accord. Mais non. Mais je pense qu'en fait, tu te trompes de série. Ah. Est-ce que tu peux le voir ou pas ? Quoi ? Est-ce que le personnage, tu peux le voir ? Bah, moi, je Moi, je pense que moi, si j'étais en face de lui, je pourrais le voir, oui. Et lui? Et je... lui, non. Je okay, ne comprends c'est pas lui, absolument c'est pas lui. Rien, ah, c'est incroyable. C'est pas lui. C'est pas non, non, c'en est un autre, mais c'est vraiment plus ancien que cette série-là. C'est Casper. D'accord. C'est Casper. Et en fait, c'est un... Ah Tu l'as Non, je suis pas sûr du tout. Merde, je pensais que tu l'avais. Bah, continue, vas-y. Ça, une série qu'on a regardée au tout début. Ouais, c'était vraiment très très tôt. Au tout début de cette série, pas au début de notre relation entre guillemets. Ouais, non, c'est au début de la série. D'accord. C'est en cross série avec Arrow. Ah, on a regardé et... ça nous. Ouais. D'accord. Et du coup, il y a le même personnage. River Slash. River Slash. Vif Argent. C'est exactement pareil. Cook mais dans une famille. Quoi? Ah, les indestructibles. Yes. Oh. Oh. Oh putain. Putain, c'était chaud. Ah ouais. Putain, j'ai direct pensé à Daredevil moi. Quand tu dis qu'on a commencé ensemble. T'as pensé à Daredevil. Ouais. Ouais, c'est pour ça en fait. On a pas du tout pensé. Bien vu. Oh putain, bien joué. Ouais, franchement, j'étais sur The Flash mais après j'ai juste allé trop vite, j'ai pas eu le temps. Bien joué. Les indestructibles, putain, bien. Ah, du coup, moi ça m'a donné 2 points pour Benjamin. Clément, si tu ne gagnes pas celle-là, je suis le champion. Yes. Alors, moi j'en ai un. Alors, ok. Que j'en ai un, Jules. Okay. Déjà, il faut te dire. Sodomie. En avant-propos, que c'est une sorte d'expression. D'expression. Voilà. C'est pas. C'est en porte-pièce. C'est grosso modo. C'est dans cette idée-là. C'est okay. Pas un film. C'est pas un truc comme ça. Ok. Voilà. Ok. Pour dire. Tu te souviens, avant le podcast qu'on a lancé, ce magnifique podcast, ouais. je tiens à te le rappeler. Oui. On avait fait. Alors, ne cite pas des trucs, ok? On avait fait des trucs sur YouTube. Enfin, d'ailleurs, d'abord sur Twitch, qu'après j'ai mis sur YouTube. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. On avait fait ça avec une troisième personne, c'était cool. On avait fait plusieurs épisodes. On salue. Okay, tu te souviens? Théo Surak. Tu te souviens de ça, ok? Dis pas le nom, mais on salue cette personne. Cette fameuse troisième personne avait joué quelqu'un en particulier. Je sais pas si tu te souviens. Ok. Inspecteur. Mais ne dis rien pour l'instant. Je te dirai quand tu dois le dire. Avait joué quelqu'un en particulier. Il jouait dans le jeu quelqu'un. Ah d'accord, je viens de capter que je pensais pas à la bonne personne. Ah oui, il me semblait que tu captais pas la même personne. Ouais, non, mais c'est bon, je viens de capter du coup. C'est bon, ok. Tu vois la personne qui jouait, il était assez drôle et tout. On avait des phrases cultes, etc. Ouais. Dont une qu'on se souvient très bien. Voilà, alors le truc à trouver, c'est un peu dans ce type d'expression, ok. D'accord. Voilà. Il avait donc, dans cette expression qu'on employait souvent et qui était assez culte, il utilisait un outil, du coup. Ouais. Mais là, c'est pas cet outil-là, c'est le deuxième outil qu'il avait à sa disposition, le deuxième accessoire. D'accord. Ok. Un monocle. C'est si on utilise cet outil pour taper dans un liquide, on fait un truc. Et c'est en quatre mots, et c'est ça. C'est ça qu'on a trouvé. Si tu tapes avec cet outil dans un liquide, c'est ça que tu dois dire. Abracadabra. Un pavé dans la mare. Non, c'est pas ça. Tu vois l'outil qu'il avait. Il avait deux outils à sa disposition. Ouais. Un outil, bon, voilà. Et un ouais, autre. Et hein, qui, il pouvait le lancer. Mais attends, je me trompe d'ailleurs, je crois, de son deuxième outil. Ah, c'est vrai que je crois qu'il lançait un truc. Mais c'était pas exactement ça. Ah merde. Alors regarde bien. Alors attends, je vais trouver un autre moyen de te le faire deviner alors. À l'époque où se passe l'aventure qu'on a vécue, tu vois, il y avait des gens qui avaient l'outil, le fameux outil principal, plus un deuxième outil pour tuer des gens. Tu vois ou pas? Ils s'en servaient pour tuer des gens. C'est un outil. D'accord. C'est un outil qui est utilisé par ce genre de personne d'habitude, mais lui il avait un marteau, donc c'est pas ça. Ouais, donc plus simple. Que... Ouais, voilà, okay, plus très très basique, voilà. Et si tu donnes un coup avec ça, si tu donnes voilà, dans un liquide, ça donne la phrase. D'ailleurs, j'ai donné un des mots, je suis désolé, il y a coup dedans. Je suis obligé de le dire. Putain. C'est un one shot. Vas-y un coup, mon gamin. Un coup d'épée dans l'eau. Oui, c'est ça. Ah, c'est exactement. Quoi, c'est vrai. Coup mais d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette expression de merde? Alors, j'en sais rien, mais c'est l'expression coup d'épée dans l'eau. Non, mais ils ont craqué. Hein. Attends, alors je suis sur Google. Coup d'épée dans l'eau. Fait là, pour quelqu'un dit, d'effectuer quelque que chose ne produisant aucun effet, c'est bien une expression. Oui, d'accord, mais ça c'est enfoncer une porte. Ouais, non. Putain, c'était dur. Putain, mais c'est n'importe quoi cette expression. Non, mais en plus, je fallait que je te fasse deviner un chevalier. J'avais oublié que le chevalier dans Trine, il avait pas d'épée en fait. Et oui, et au début, quand tu lui as dit une aventure en stream à 3, je pensais que c'était avec Solène. Mais oui, et c'est ce que je me suis dit après. Je me suis dit, merde, il y a et ça ouais. aussi qu'on avait fait. Mais c'est pour ça, après, je t'ai parlé de bouclier vers le bas. Bon, voilà, après l'expression. Et, oui, la personne concernée, c'était Manu qui était sur le chat tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais, voilà, c'est pour ça. Bah désolé Bagbear, en fait fallait que je fasse deviner un chevalier au début et je me suis dit putain si ça va être trop simple à faire deviner un chevalier faut que je passe par un autre truc. Bien sûr, bien sûr. Taper l'eau ça sert à rien, c'est logique, et c'est vrai, mais l'expression foutre un coup d'épée dans l'eau je l'ai jamais entendu. Ah moi je l'ai entendu, ma mamie elle le disait. Ah ouais, bon bah écoute. Alors bah, comment vous départagez du coup, parce que... Ouais, il y a deux partout, ouais. Vous êtes également le même genre là. Bah, est-ce que je prends le lien et je tente de vous en faire un moi? Si ça t'amuse en vrai, mais de toute façon on s'en fout du résultat. Mais oui, si bah tu... moi j'aimerais bien savoir. Ah, toi tu veux vraiment. J'ai envie de jouer en fait. Bah en fait, ce qui je mets dans mon héritage. Non, mais je pense qu'il. Non, mais vas-y, on va faire chacun notre tour, ça peut être rigolo de toute façon. Vas-y. Puisqu'on s'amuse bien avec ce jeu, il est formidable ce jeu. Ouais, créé par Kian Kojandi et Navo. Alors, ok, bon. Alors, du coup, je fais deviner à quelqu'un en particulier. Fais deviner à Benjamin du coup. D'accord. Benjamin, ce mot, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais petit, que ma famille me poussait à faire un petit peu, et qui a été abandonné par la suite. Les études. et cette chose, comment dire, moi j'étais pas spécialement chaud, et j'ai dû passer certaines étapes. Non. J'ai dû passer certaines étapes et même statuts, on va dire, dans cette chose. Alors que, clairement, je m'en battais les couilles. Ça aurait marché pour le solfège, mais c'est pas ça. Et, comment dire, j'ai reçu à une certaine étape, on m'a offert des choses, mais j'ai dû faire... alors ça, c'est pas tous les gens, mais moi, j'ai dû faire un espèce de stage... pas très loin de chez moi, heureusement, où on m'initiait un petit peu à ça et on me préparait même. Je faisais la préparation à ce rituel. Et voilà, ce rituel fait partie d'un tout. Catéchisme ? Qu'on appelle quelque chose. Catéchisme. Non, ce n'est pas le catéchisme. Quoi ? C'est pas un bar mitzvah. Quoi ? Ce rituel fait partie de quelque chose. Voilà. L'ecclésiaste ? Non. Mais fait partie de quelque chose de. Bah tu vois j'y étais et j'y allais une fois par semaine et ça fait partie d'un grand tout qu'on appelle quelque chose. Mais t'as la les musique scouts, t'as fait les faire scouts. De la musique. Les scouts. Le scoutisme. Attends, je regarde le chat s'ils ont trouvé. Non. Le scoutisme C'est plus j'ai pas le droit de te répondre du coup en fait. Clément, je sais pas. Si il a dit oui, enfin si. Moi si j'ai trouvé le bon truc tu me le dis. C'est pas ça. Bah c'est pas ça. Ah ouais, voilà. C'est pas ça. Okay. Mais what, mais what? C'est quelque chose. T'as, quand t'as petit... pas d'autre chemin que nous deux on connaît? Qu'est-ce la pêche. Qu'on a fait je peux te dire que dans notre bande de potes, Benjamin, du côté de notre bande de potes, personne ne le pratique. La religion. Crois, ouais. Bravo Clément. C'était religion. Putain, c'était si simple que ça. Ouais. Ah ouais. Et moi ma famille me faisait aller les parents, au catéchisme. Et eux. Bah oui, mais déjà même à l'église tous les dimanches. Ah, et ensuite j'ai fait communion pas, et j'ai fait un stage de préparation au baptême. C'était chiant. Tu savais pas? Bah non, je savais pas. Et bah voilà. Bah, moi, écoutez, je crois qu'on a notre réponse. Je crois que c'est pas la peine de faire un autre round. Si, on va faire un autre round. Je suis tellement déçu. Mais non, mais. Allez, on fait un autre round pour le jeu. De toute façon, on s'en fout du résultat. Foutu, c'est pas foutu, ça qui compte. Puisque de toute façon, tout le monde sait. Alors, qui je est. Vous en fais un autre du coup. Ok, j'en ai un. Vas-y. Attends, je coupe. Je me l'écris pour pas l'oublier. Tu vois, on a sorti un court-métrage récemment. Oh bah oui. Ouais. Notre personnage, il a un nom. Oui, bien sûr. Et bah son nom de famille, c'est un animal. Ouais. Et bah c'est pas exactement cet animal-là. C'est un goupil. C'est pas du tout. Un poisson. C'est alors c'est pas vraiment un animal qu'on cherche, c'est plus moi je l'ai eu en février et quelques en ce moment, il y a plein de gens qui ont un peu peur de l'attraper. Le Covid. C'est pas exactement. Un virus. La grippe. Alors c'est lié à une maladie, ouais, mais c'est lié à. Mais le rapport avec le personnage dans notre court-métrage. Bah c'était pour t'orienter sur le son nom de famille. Bah c'est oui. Pas exactement ça. C'est un autre. C'est même pas ça. C'est un autre. Ouais. Je viens de voir que dans ma page d'accueil, j'ai Pornhub à cause de Benjamin qui a conseillé. Mais moi, depuis tout à l'heure, tu sais, je regarde pas le chat, du coup, j'ai une autre fenêtre ouverte, c'est les 100 pieds de Tahiti là qui est venu dans mon urètre, alors s'il te plaît. le bon vieux mille pattes. En gros, c'est une expression, non, c'est une expression qui désigne un état ouais. Que personne n'a envie d'avoir en ce moment. La crève. Et c'est une expression, tu vois, et on dit quand on a ça. On l'a comme un certain animal qui n'est pas du coup comme pas du tout comme le personnage. La flemme. Mais comme le nom d'un facteur qui a fait un musée. La paresse. Ah, rhume de cheval. Ah putain. Pas vraiment. Quoi? Une grippe de cheval. Une bite de cheval. Une grippe de cheval. C'est un symptôme du Covid. Un virus de... Un quoi? Un symptôme du Covid. Symptôme Oui. Quand t'as le Covid... Fièvre de cheval. Bravo Benjamin. Oui, putain Benjamin. Yes. C'est rattrapé ça, bravo. Oh là là. Ouais, je l'ai bien orienté quand même. Fièvre. Ouais. C'était fièvre de cheval. Putain, mais le rapport avec Vincent Renard, mec. Je voulais t'orienter, ouais. Moi je me suis dit Benjamin il aurait peut-être oublié Vincent Renard le nom. Mais le rapport avec un renard. Bah c'était pour pas dire animal en fait. Tu vois, et qu'il soit direct sur un animal et que ça passe que par toi sans passer par Benjamin. Ouais, ça a mis plus de flou du coup. Directement. Ah une fièvre bon, de cheval. Bon bah je crois que qu'on peut dire que vous êtes à égalité hein. Vous êtes autant mes amis l'un que l'autre avec des retournements de situation dans tous les sens. C'est trop mignon. C'est beau. Mais ça se termine bien en vrai, c'est beau. Ouais c'est une belle histoire. Ça se termine en plan à 3. C'est un beau roman. Voilà. Allez, on va citer là-dessus. Hein. On n'a plus qu'à dire adieu et. Bah peut-être pas adieu quand même, mais c'est vrai. Du coup, je garde adieu. Un jeu dans ma besace pour le prochain Powercast qui sera, je l'espère, un véritable Powercast enregistré ouais. Et en direct depuis mon bunker avec des invités qui seront sur place avec nous, avec un bon McDo avant, etc. En gros, alors... j'espère que ce confinement est vraiment terminé. J'espère que ça, tout le monde va pouvoir reprendre une vie normale. Mais en tout cas, voilà, en espérant que le virus disparaisse, surtout d'abord, c'est le plus important. Oui. Sinon, on reviendra avec des Power Bunker Cast comme ceci. Hein. De toute façon, on s'en sortira comme ça. Et puis, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin, je crois. C'est Olivier voilà. Mine qui dit toujours ça. Toujours là, en tout cas, voilà. Ouais, voilà. Toujours pour vous tenir toujours compagnie. Debout. En tout cas, je remercie les gens du chat d'avoir participé à tous nos jeux. Là, c'était cool, vous étiez bien nombreux, ça a fait plaisir. Merci à toi, Benjamin, d'être venu dans ce Powercast. Depuis le temps que tu nous suis, en plus, ça fait plaisir. Ah, bah, depuis les premiers jours. Mais merci à vous, c'était vraiment cool. Hein. On espère que tu t'es bien éclaté. Tu reviendras quand tu veux et peut-être tu reviendras pour un Powercast IRL, comme disent les geekos. De toute façon, je serai dans le chat à modérer. Mais au pire des cas, voilà, tu seras toujours là avec nous, ça nous fait plaisir. Voilà, on n'a pas parlé de ton podcast. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais attends, on a complètement zappé d'en parler. Bah oui, on te retrouve donc à partir de quand, du coup, sur ce fameux podcast. Oula. La première session, c'est le 23 mai. Ok, et, On va parler de compétition sur le longboard. Ouais. Et puis avec. En fait, ça va se dérouler en fait avec. Je vais faire une session avec des potes à moi, enfin pas forcément avec les intervenants du podcast. Et puis le soir, bah après on fait un podcast tous ensemble et avec un thème. Donc là pour le premier ça va être la compétition. Très bien. Et j'aurai le champion d'Europe avec moi, j'aurai d'autres très bons amis. Mmh. Et puis après il y aura des jeux aussi un peu spé. Et puis voilà. Champion d'Europe c'est Yanis Markarian. C'est ça, un Jeunassien. T'as vu, je connais. Hein. Un Jeunassien en plus. Ah bah, ouais, c'est la famille. Ah, voilà. C'est la famille. Et ouais, ce qui est bien, c'est que toi, du coup, tu passes déjà du temps avec tes invités. Avant, nous, on le fait un petit peu aussi, mais moins que toi. Ouais, toi, moi je passe la journée, ouais. C'est ce que je veux faire. C'est vraiment passer la journée, puis après le soir. Ouais. Voilà, ouais, ça c'est très très bien pour le contact et tout bah, ça. J'ai hâte d'écouter ça. Alors, donc ça sera le 23 mai, le premier épisode ou c'est ouais, le... on l'enregistre le 23, après okay. Mixage, tout ça. Donc fin mai, on va espérer fin mai, quoi. Voilà, c'est ça. Très bien. Faut peut-être prévenir que c'est un podcast un peu pour les initiés quand même au longboard. Faut peut-être. Ouais, il y aura des termes un petit peu, mais après, je pense que tout le monde va se retrouver. Mais c'est vrai que. De toute façon, il y aura des jeux. Pardon. Ouais. De toute façon, il y aura des jeux, donc. C'est voilà. Ça, d'accord. Ça. Ouais. T'essaies de l'ouvrir quand même un peu plus au grand public aussi. C'est ouais, c'est pas mon but principal de faire découvrir le longboard. Moi, c'est vraiment pour parler aux initiés et puis qu'on ait une base sur laquelle se parler. Et puis moi, parce que ça me fait plaisir. Il y a aucun truc de longboard un peu sérieux qui parle de longboard. Et puis j'adore les podcasts. Donc c'est pour ça que je me suis lancé. Voilà. Va trop cool. On suivra et on enverra les liens. De toute façon, on partagera tout ça. Ce sera partagé en masse. Merci bien. Mais et ouais, toujours un plaisir de d'être avec vous, c'était vraiment sympa. Ah bah c'est cool, bah voilà, bah tu reviens quand tu veux. Et bah nous, bah voilà, on se retrouve donc dès que possible, soit pour un véritable PowerCast à l'ancienne, on va dire maintenant, pour la suite de la saison 2. Et sinon, bah ça sera pour un PowerBookerCast encore une fois. Bah écoutez, bonne soirée à tout le monde, bonne journée si vous écoutez plutôt le replay sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast et compagnie. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt pour un nouveau PowerCast. Salut. Salut.